ce soir. Jadoul est en direct de la plage. Bon, il manque juste la mer, le sable et les vendeurs ambulants. Mais on pourrait y croire, non? On va quand même pas vous dire qu'ils sont dans la rue. Devant le studio d'Hilar FM. Essayez juste de nous comprendre. Si on les aère pas, ils deviennent fous. Jadoul, en direct et en plein air, de 20h à 22h sur Hilar FM. Bonsoir à tous, nous sommes en direct, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on est en très grande forme. Là, je vous le dis, on a tout délocalisé à l'extérieur. On a l'impression d'être au bord de la plage, mais comme il le dit, il manque un petit peu la mer. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que vous soyez là pour nous écouter en direct. Kylian est là avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Kylian? Ça va très bien, il fait beau, donc on profite. Il est dehors, en extérieur. Il était en train d'installer le micro de Terrence Bernard, qui a pas compris qu'on était à l'antenne. Et il a jeté le micro de Terrence dans la pelouse. Le micro ne se visse pas dans la vis là, c'est le mauvais embout. Ah. D'accord. Faudra aller revoir ça juste après. Bon, en attendant, il va le prendre en main. Et voilà. Terrence Bernard est avec nous. Comment ça va, Terrence? Non, le micro est par terre, Terrence. Ok, je pensais qu'il marchait pas, donc du coup, je vais prendre le micro. Voilà. Non, ça va très bien, et vous? Ça va très bien, on est content. Bienvenue à toi, tout simplement. Ben, merci de m'inviter comme ça dehors. Il s'y attendait pas. Il est arrivé là en mode, qu'est-ce qu'il faut dehors? On est quand même la seule radio qui fait ça, quoi. Ouais, on est la seule radio qui se délocalise devant le studio. On est quand même des dingues. Il y a que nous pour faire ça, mais bon, c'est ce qui fait un petit peu la force de cette émission. En tout cas, nous sommes en direct, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a le plus 32 49 9 15 75 pour nous contacter. Il y a beaucoup d'actu cette semaine. Alors là, je vous le dis, on a une pile de feuilles là. Je sais même pas comment on va caser tout ça jusqu'à 22h. Et puis, on a encore notre Jean-Michel qui a fait encore des aventures. Voilà. Et Terrence Bernard à qui il est sûrement arrivé encore des conneries. Mais bon, ça, c'est, on a l'habitude. Et il nous racontera ses anecdotes dans quelques instants. En tout cas, le plus important, c'est que tu vas bien. Bah ouais, je vais bien. Et qu'est-ce que tu fais demain, par exemple? Demain, je suis sur scène. Sur scène, attention, Terrence on tour. En tournée dans toute la Belgique. Calmez-vous, c'est un petit truc. Explique-nous. Je sais pas si tu connais la fête du Métranque. C'est quelque chose qui se fait dans le sud de la Belgique, dans le province de Luxembourg. Voilà, exactement. C'est ça, okay. Voilà, je vais faire une scène là-bas, mais c'est un projet en fait qui est fait. Chant ou danse? Je voulais faire danse en fait, mais je me suis foulé la cheville encore. Encore? Encore. Mais comment tu fais? Mais je sais pas, mais en fait mon ligament est beaucoup trop distendu, du coup c'est un cercle vicieux. Dès que je me foule la cheville, il se détend encore plus, et plus il est tendu, et plus je me foule la cheville. Donc je vais me faire opérer là cet été. D'accord, très bien, c'est noté. Si les gens ont envie de te retrouver, je pense que c'est à Arlon. Arlon. C'est ça. Et pour d'ailleurs, en parlant d'Arlon, tous ceux qui nous écoutent sur le 106.9, on les embrasse et envoyez-nous un petit message, que ce soit sur la page Facebook ou sur l'Instagram ou oui, peu on importe. Attend. Hein. On attend. Voilà, on a envie de voir si vous nous écoutez dans votre voiture. C'est ça qui est génial quand même. J'étais en train d'arriver ici à Hilar FM et je t'écoutais toi en direct dans la radio. Voilà quelque chose de positif. Et je me suis dit, mais c'est magique, je l'entends. Enfin, j'ai compris le principe de la radio, quoi. Oui, c'est bien. Hein. Quelqu'un qui fait une émission radio et qui comprend le principe de la radio, c'est juste fantastique. Fantastique. Oh, ça y est, il nous a fait le premier bafouillage du jour. D'ailleurs, aussi, là. Oui, moi aussi. C'est un pour deux, voilà, c'est bon. D'ailleurs, j'ai plein de nouvelles cartouches ici, c'est génial, on en a eu plein. Et voici ce que Terrence dit de son micro. Micro de merde. Voilà. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je m'appelle Jadoul, nous sommes en direct jusqu'à 22h. On espère qu'il ne va pas pleuvoir car un énorme nuage arrive au-dessus de nous et on a peur. Il nous fera un petit point météo dans quelques instants. Pas de souci. Au cas où. Et puis au pire, si Terrence voit qu'il pleut, il fera parasol. On sait pas comment, mais on essaiera qu'il le fasse. C'est possible. T'as insinué que je suis gros comme ça? Oui. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que s'il pleut là, mais vraiment, ils se rendent pas compte, les auditeurs, mais on est vraiment, vraiment, eux aussi, dans le caca, parce que eux, ils pourront plus nous écouter, donc ils feront plus rien de leur journée. Et nous, on pourra plus faire de radio, donc on fera plus rien de notre journée. De toute façon, c'est ce qu'on fait déjà. Ça, c'est un beau résumé, Terrence. Bravo. Allez, on va continuer cette belle soirée ensemble et on va peut-être s'écouter un titre. Qu'est-ce que t'en penses, Kylian? C'est une belle idée. Est-ce que tu penses surtout que c'est possible? Alors ça, je ne suis pas sûr. Mais car à l'extérieur, c'est toujours les choses les plus compliquées à faire. À écouter un titre, lancer un jingle, enfin, c'est toujours un peu compliqué. Tiens, c'est un titre qui vient de ton émission. Ah bon? C'est Georges Eza avec Shotgun. Et tu me repiques des sons comme ça? Il faut bien, écoute. Allez, belle soirée à vous. Vous écoutez Jadoul, nous sommes en direct. Jadoul, 20h-22h sur Iler FM. Et on est de retour, j'espère que ça vous a plu. C'est le tout nouveau titre de Georges Eza, c'est Shotgun. Alors moi franchement je trouvais ça assez frais pour l'été. Et puis c'est toujours sympa un petit titre comme ça. Moi ça me fait plaisir. Kylian, oui, qu'est-ce que tu viens de publier? Alors je l'ai pas encore publié, mais je suis sur l'Instagram, sur le Snapchat Iler FM. Donc si vous voulez nous contacter via cette appli. On a un Snapchat appli, nous. Je savais pas non plus. Ah bah comme ça on le sait, c'est magique. Dans quelques instants, enfin plutôt vers 21h-21h30, Terence va nous faire sa chronique. Oui, il a bossé pour l'émission et je suis impatient de voir ça car je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Je n'ai rien entendu de ce qu'il a préparé. Et Terence est témoin parce qu'il a, il m'a rien montré. Rien du tout, à part le truc que je suis censé dire avant de lancer la séquence. Ok. Je vais laisser un peu zuter. Ça va être piquant ou pas? Non, ça va, franchement. Ça va. Mais ça va être un peu le niveau que tu fais à moi en fait. C'est un plus ou moins. En fait, c'est une vengeance. Une petite vengeance. Ah, d'accord, ok, très bien. Ah, bah, j'adore, je suis fan. Merci beaucoup, Terence. Beaucoup d'actualités, notamment les news de la semaine qui arrivent là maintenant tout de suite. Terence en a également. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on en fasse d'abord une à moi et ensuite une à Terence. Ça vous va? Ouais, ça marche. Ok, parfait. Je pense qu'on a encore un jingle en stock qui dit qu'il y a des news et on se fait ça tout de suite là. Regardez, nous sommes en direct, c'est pas nickel. Oh. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et dans les news de la semaine, on a notamment ce cambrioleur ex-militaire britannique qui se camoufle dans un bois durant 5 mois. Donc le gars, il fait un cambriolage et il se cache dans un bois, mais durant 5 mois. Le gars, comme est moi. Fou. Comme moi, j'ai fait ça. Ah bon? Non. Non, mais j'aurais pu. Il aurait pu. Donc, c'est un Britannique de 51 ans, ancien militaire reconverti et qui a échappé durant 5 mois à la justice en se cachant dans un bois du côté de Vienne. Il vivait dans une tente soigneusement camouflée et on a appris mercredi auprès des gendarmes qu'il a été arrêté et il se déplaçait en vélo dans un rayon de quelques kilomètres autour d'un village. Donc, il a été mis en cause dans une histoire de cambriolage, enfin plusieurs cambriolages, étant donné que c'est un suspect qu'il traquait depuis longtemps et c'est une interpellation qui s'est très bien passée, étant donné que le gars a dit bon bah vous m'avez trouvé, j'accepte la règle du jeu, c'est parti, je m'en vais. Donc voilà, c'est comme la blague, tu sais, qu'on faisait tous en maternelle avec le squelette qui se cache dans une armoire, enfin avec un homme qui se cache dans une armoire pour un cache-cache et qui 100 ans après on retrouve un squelette dans l'armoire. On t'a jamais raconté cette blague là quand t'étais du tout? Non, moi en tant qu'animateur, tous les gosses me la font, donc du coup. Il est animateur pour enfants, hein, on le rappelle. Ah, oui. Pas animateur radio, ça s'entendrait. Non, je ris. Bah, apparemment, t'es animateur pour enfants aussi. Oui, bah regardez mon équipe, c'est bon. Merci. <Allez. rire> Non, je ris, mais en tout cas, voilà. Le gars était quand même courageux et on a une photo là de la tente que France Bleu nous a postée sur Twitter. Donc, si vous voulez aller voir, c'est @FranceBleu et ça a été publié le 23 mai. Donc, comme ça, c'est dit. Moi, je serais pas capable à me cacher 5 mois dans les bois. Déjà quand j'ai un jour sans batterie sur mon téléphone. Ça te ferait du bien. Déjà quand j'ai un jour sans batterie sur mon téléphone, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie. Ouais, j'ai l'impression d'être nu. Mais alors dans les bois durant 5 mois sans internet, rien du tout, à moins qu'il ait un super abonnement de 4G, je le salue moi. Pareil avec moi quand on a dû aller chercher les, tu te rappelles, les clés dans le jardin avec mes chaussures. Non, c'est horrible. Ils étaient dans la rue chez les voisins en train d'aller chercher les clés, c'était dingue cette émission. Ouais. D'ailleurs c'est ce qui a fait. À refaire. Oui, mais ça a été notre record d'écoute de la saison complète. C'était l'émission la plus écoutée. Eh ben, pour une émission qui s'est faite en mono et non en stéréo, c'était plutôt pas mal. Non, c'est une pique pour la technique, ils comprendront. Allez. L'équipe, attends, c'était quoi déjà l'équipe? L'équipe. Le surnom qu'on trouvait. L'équipe de bras cassés. Voilà. Oui, non. Oui, on avait trouvé un nom particulier. Ah bon? Oh. Ça c'est nul quand t'essayes de dire un truc mais que tu tombes pas dessus en fait, c'est le moment où tu dis ferme là. Non, tu trouves pas? Non, sérieusement, bah, comme ça je l'ai plus en tête donc. Ok, très bien, pas de soucis. Donc on va vous faire également une suivante actualité. Mais d'abord voici une actu made in Terence Bernard. Je sais pas ce que ça va donner, alors vas-y, je t'en prie, libre à toi. Merci beaucoup, donc moi il s'agit en fait d'un Australien qui a remporté 2 fois d'affilée le loto. Ah oui, ah, j'ai entendu ça. T'avais entendu, c'est énorme. C'est dingue. Le lendemain, c'est ça? Non, en fait, je vais t'expliquer. Donc, un Australien qui a remporté 644 000 euros, ce qui équivaut plus ou moins à 1 million de dollars australiens, en jouant la loterie la semaine dernière. Cinq jours plus tard, il a de nouveau gagné près d'un million d'euros. À peine avait-il fini du coup de célébrer sa victoire à la loterie que cinq jours plus tard, en fait, il a dû en fait remettre cette victoire-là. Et dans une interview publiée par la... Oui. Le mec, c'est quand même pas mal parce qu'il gagne au loto, il fait « Ah les gars, c'est génial, j'ai gagné X euros au loto. Ouais. » Et le lendemain, il fait « Bon, allez, pour le fun, je vais rejouer. Oh, putain, j'ai gagné !» Deux fois, quoi. Le mec est génial. Je le veux dans mon équipe. Il est chanceux. La loterie est même incapable, en fait, d'évaluer la probabilité de remporter deux fois le loto parce que c'est encore vraiment jamais arrivé. Je cite, ils disent « Nous ne connaissons personne qui ait gagné deux fois de suite dans la semaine ou deux fois de suite tout court. » Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Et donc, le gars dit lui-même « La probabilité de gagner deux fois en si peu de temps est sans doute inexistante. » C'est improbable. Ouais. Et donc j'adorerais pouvoir donner des conseils aux autres sur la façon de gagner la loterie, mais je n'en ai même pas. Bah oui, c'est juste le mec, voilà, il a joué des chiffres. Il y a des gens, ils ont le pif pour ça, ils y arrivent. Ouais, c'est ça, mais c'est énorme. Regarde, moi je suis tombé sur 5 centimes tantôt en allant au magasin. C'est de la chance. C'est pas la même chance, mais c'est de la chance. Mais partout, dès que je sors quelque part avec Kylian, il regarde le sol, il scrute comme ça. Et d'un coup j'entends « Oh, j'ai trouvé une pièce !» Alors je dis « Mais tu vas quand même pas la ramasser ?»« Oh si, hein, j'en ai beaucoup chez moi, j'ai fait un pot avec toutes ces pièces-là. » Non mais alors, l'autre fois on était en retard pour prendre notre train avec Kylian. Et on courait presque pour avoir le train. Il voit une pièce, c'était combien la pièce ? Oh, 5 centimes aussi je crois. Ou 2. Non, 5. Alors il me dit « Oh, une pièce !» Moi, je dis « On n'a pas le temps, on avance. »« Oh, mais non, mais ma pièce !» Mais non, on avance. Donc, et du coup, je l'ai pas eu. Voilà, il l'a pas eu, non, il était dégoûté. Le caddie. Voilà. Non, c'est génial. Bah voilà, vous êtes dans Jadoul et... Ah merde, le truc est pas parti. Et rien, voilà, vous êtes dans Jadoul. Je réveille Franck Dubosc, attends. Dans Jadoul et... Ça va aller, attends. Et... Je vais juste le réveiller. Et ben non. Merci d'avoir foiré ma vanne. Je savais pas que t'allais faire ça. Mais si, j'ai dit, attendez. Non, Franck, t'en penses quoi de Jadoul et... Et toute son équipe. Ah ben, il s'est lancé 2 heures plus tard. C'était lui, ça? Ça, c'est Franck Dubosc. Ça va, je l'ai même pas reconnu, quoi. Bah si, on l'entend. Et toute son équipe. Ouais, léger, hein. Léger, c'est un peu compliqué. Dites, comme ça va être l'été, j'ai des petits conseils à vous donner en termes de physique. Pour être au top sur la plage quand on est en maillot et tout, pour que tout le monde Nous donne des conseils de physique. Ouais, et ouais. Mais à nous. Mais attention, blague. Ils viennent pas de moi, ils viennent d'un site, hein, parce que sinon vous n'êtes pas sortis. Donc, comme nous le disait Enrico Macias, durant l'été. Ok, mais alors là, ça va être très très long. En même temps, on est dehors. On est dehors, voilà, donc les jingles mettent du temps à venir. Attendez, mais ils prennent l'air. Je vais encore les réveiller. Les jingles, on vous attend. Merci, voilà, ils sont là. J'ai perdu 25 kilos. Oui madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit tu ressembles à Kylian, voilà. Oui, merci. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que pour cet été, on va vous donner plein de conseils. Et ça va arriver dans quelques instants. Mais avant, une petite actu. C'est dans le Nord. Dans le Schnorr. Tu dans sais pas l'accent ch'ti? Non, pas vraiment. Pour vraiment faire l'accent. Ça, c'est canadien. Salut Bélout. Salut Bélout, hein. Avec les amis de Schnorr. N'importe quoi, là. Non, quoique, sérieusement, j'ai une connaissance qui est. Enfin, une connaissance, je veux dire, un couple que je connais. Qui est Pat, oui, c'est ça. Ça m'épate. Et leur fils, c'est Donla. Oui, donne la patte. Merci d'avoir. Non, je peux même pas lui dire de sortir, on est dehors. Bah rentre. Rentre. Va la compta. Non, mais donc je connais quelqu'un, enfin un couple justement qui vient du Nord et qui est ch'ti donc. Et une fois je leur parlais, on était au camping. Et oui, je fais du camping, on s'en fout. Et du boss quand on y revient. On y revient, voilà. Alors on n'entend pas Patrick. Ah oui, on y revient de nouveau. Oui, la personne s'appelle Patrick. Et donc, il me parlait, on disait qu'il y avait peut-être des rats dans la caravane et tout ça, oui c'est très frais. Et il me fait, oh c'est pas grave, les cas vont les manger. Et moi je fais, les quoi? Les cas, les catons, c'est quoi ça? Je fais, il y a des cas ici? Il fait, non, en fait, les cas. Je fais, ah oui ok, les chats, oh là là, faut comprendre. Hein. Vraiment, moi j'ai un ami... qui d'ailleurs mon patron, mais bon, soit, qui est vraiment, qui habite à Cambrai en fait, en France, au nord Pas-de-Calais, qui est ch'ti, et c'est vraiment, vraiment comme dans le film. Mais oui, comme dans ils parlent comme eux. Comme quoi. Dans Bienvenue chez les ch'tis. Non, non, non. Mais les tuches, ils viennent pas du Calais. Les tuches, c'est des ch'tis normalement. Les tuches, c'est des ch'tis. Je sais pas s'ils viennent de leur Pas-de-Calais, mais ils viennent de. Enfin, c'est des. Mais ils viennent de quelque part. Caricature des ch'tis. Mais alors vraiment, c'est limite si le film n'est pas exagéré, quoi. Ok, parce qu'il d'accord. Est... Enfin, pour te donner un peu une image, oui. J'ai pas vu une seule voiture qui n'était pas Renault Clio, Polo, tu sais, les petites voitures comme ça. C'est des petits clichés, quoi. Le mec m'a pris en voiture, t'avais carrément des câbles qui sortaient de la porte et tout. Il y avait carrément des cartons pour faire tenir la fenêtre pour pas qu'elle pète. Je lui dis, pourquoi t'as mis des cartons entre les fenêtres? Il me dit, bah, c'est sûr, pour être sûr qu'elle pète pas. Le mec avait même pas d'autoradio. Je me suis dit, ok, c'est peut-être une exception. Oui, c'est dit, je monte dans okay. La voiture d'un ami à il lui. Il s'est peut-être dit, ok, c'est la voiture, il a RFM. Ouais, non. C'est possible. Pas mal. Et du coup, je suis monté dans la voiture d'un autre ami à lui quelques jours plus tard. Et pareil, la voiture, elle démarrait pas carrément. Ça faisait. Pas d'autoradio. Il fait bien. Pas de clim. On va le garder. On va le mettre en. Je suis pas viré alors ? Non, non. Ah, cool. Jamais viré. Pas de clim et tout, rien du tout. Là-bas, un petit appart de que des petites maisons. T'avais tout le monde qui parlait comme ça. T'avais tout le monde en jogging. On a mangé quoi ? Et devine ce qu'on a mangé ? Des frites. On a mangé des frites. Des fricadelles aussi, non ? Des frites. Des frites. Des frites. Des frites et puis des pizzas. Des frites, des frites. Voilà, enfin voilà, vraiment, c'est vraiment une grosse caricature, quoi. C'est juste génial. Bien, bah c'est super. Bravo à vos expériences ch'timi. Ch'timi. J'ai encore une anecdote pour là-bas. Terence est actuellement en train de raconter sa vie. Ce qui est vraiment drôle, c'est que même les médecins sont comme ça. Le médecin, il nous a reçus pendant la consultation, il fumait carrément. Qu'est-ce qu'il a, l'autre lot ? Ah non. En fait, quand j'ai fait la liste de tous les gens que j'ai rencontrés ou que j'ai connus là-bas, et tous fumaient. Tous. Le mec fumait, son copain fumait, sa sœur fumait, Terence son frère fumait, sa mère fumait, le vendeur de glace fumait, et même le médecin, pendant la consultation, il avait carrément une cigarette électronique avec lui et tout. Ils étaient au moins tous alcooliques, sinon c'est pas marrant. Non, par contre, les voisins. Étaient consanguins. Les 4 jours. Non, mais par contre, les voisins, les 4 jours, ils ont fait la fête jusque 2h du matin. Donc vraiment. D'accord. Tous, bourré et tout. Le nombre d'SDF que je voyais passer dans la rue qui disait bonjour, c'est énorme. Ok, bah c'est bravo. C'est bravo. C'est bravo, bravo. C'est bravo et les c'est amis bravo. Aussi. Félicitations. Non, oui, bien, c'est bien. Ok, ce que je vous propose de faire, c'est de deviner en 30 secondes la séquence qui va arriver d'ici la fin de l'émission sur la dernière demi-heure. Elle va être dingue, je vous préviens, ça va être fou. Il faut juste que je retrouve un chrono quelque part, comme ça, durant 30 secondes, je vais vous laisser l'occasion de deviner. Voilà, j'en ai un, c'est parti, vous êtes prêts ? Oui, c'est parti. C'est une séquence qui va être en rapport avec l'été. C'est quelque chose qu'on fait en été. Ce sera tout. On fout rien en été. Ce sera tout. De la cuisine, oui. Un petit peu de cuisine. En voyage. Ah, non, un petit peu. C'est en rapport avec la cuisine. Oui, c'est culinaire. Tu connais au moins. Oui, les glaces. Les glaces, non. Pas des glaces. Quelque chose qu'on mange en été. Des churros. Des fruits de mer. Après un barbecue. Des fruits de mer. Des glaces. Il a dit des glaces. Non, un gâteau. Après un barbecue. Un gâteau. Un barbecue. Non. Un gâteau. Un smoothie. C'est terminé. Une banane flambée. On va faire griller des marshmallows. Oh, je suis trop content. Après un barbecue. Bah oui. Après un barbecue, quand le charbon est encore chaud, qu'est-ce que vous faites? Bah vous grillez des marshmallows. Je fais ça autour du feu. Je prends complètement au dépourvu ici la technique de TMS Prod qui est toujours ravie de nous aider dans nos péripéties. C'est possible ou pas d'avoir un semblant de feu pour faire griller des marshmallows? Et je veux pas faire de blanc. Hein. Non, mais le connaissant, il va foutre le feu au jardin. C'est possible? Bon, il aime bien foutre le feu. On m'a dit que c'était possible. Donc d'ici 22h, on espère avoir ça. En tout cas, on a les marshmallows. Il y a deux sachets de marshmallows. On est ultra contents. Ça va être génial. Voilà. Et Corentin, t'avais qu'à venir. Tiens. Tac, dans les dents. Non, peut-être que Corentin va nous rejoindre. Il y a un spectacle là, mais il sait pas quand ça va se terminer. Oui, debout, danseuse. Il aime bien. Non, mais d'ailleurs, hier, j'étais dans un petit spectacle dans un théâtre que tu connais bien qui sont toujours très mauvais. Oui. Toi aussi, tu connais en fait. Ouais, ils connaissent tous les deux. Et donc j'étais là hier soir pour aller voir une pièce d'un groupe de théâtre quoi, la Manuf. Et donc j'ai été voir leur pièce, les deux pièces, il y avait deux pièces. Une de 5 centimes, une de 2. Effectivement, que Kylian n'a pas ramassé. Eh ouais. Et on va tout prendre. Et j'ai découvert des talents là-bas, j'ai laissé quelques cartes, comme ça on va peut-être avoir des nouveaux arrivants dans la production prochainement, en tout cas je l'espère, parce qu'il y avait... Il n'y avait pas que du bon. Même au théâtre, il arrive à demander aux gens de rentrer dans son émission. Il y a des personnes âgées qu'il a pris. Alors Mais c'est vrai que j'ai détecté deux jeunes Ils ont du potentiel. Et j'ai le pif pour ça. Quoique, j'ai peut-être pas eu de pif sur Terence et Kylian, mais je... Non, je rigole, regarde. Bah encore heureux, je me suis pas lavé depuis une semaine. Bon, bonne soirée à vous. Il est con. Ok, très bien. On vous remercie d'être là, en tout cas, à notre écoute. Il est 20h27, tu me le confirmes, Kylian? Oui. Des messages arrivent au standard? Oui. Bah, pas encore. Mais pas ça encore. Ne serait tardé. Pas encore. Mais moi, j'en ai sur mon écran, si tu veux, je t'en lis. Oui. On a un coucou de Julie et un bonsoir, les gars, de la part de Jacques. Alors, je sais pas si c'est une faute de frappe, mais c'est J-A-K. Jake. Pourquoi pas Jake, voilà, c'est à l'américaine. Jake, motherfucker. Jack. Merci pour les insultes en anglais. T'inquiète, les gens sont français, ils comprennent pas, ils sont francophones. Oui, voilà, c'est ça, il faut pas s'en faire. Les gens, voilà, ils sont là, mais ils oui, mais ils ont été à l'école et peut-être qu'ils connaissent les traductions anglaises. Hein, je suis pas même sûr qu'on leur apprend motherfucker à l'école, tu vois. Bon, bah, ils vont aller voir maintenant. Vous connaissez madame? Oui. Vous connaissez monsieur? Oui. Ouais. Eh ben madame, monsieur, ce sont ceux qui ont fait l'Eurovision. Merci bien. Il raconte, j'ai rien compris. Bah si. Oh, j'essayais de faire un lancement original. Voilà, il est toujours en train de tout me flinguer. Non, c'est le titre qui a représenté la France à l'Eurovision. Oui, oui, oui. Oh purée d'ailleurs. Mais, oui, la poule a gagné, désolé, on sait. Je suis désolé. Non, non, mais justement, moi j'aime trop. Mais d'ailleurs, moi j'aime vraiment bien. Mais alors la France, la Belgique, les. C'était mais la Belgique, pas, c'est ça. Mais il était pas. Franchement. Ouais, elle aurait pu gagner en fait, mais dans les années 60. Qui, la Belgique? Ils ont ben la France, ah, non, la France. France, ils ont un peu oublié qu'on était en 2018, je crois. Ouais, mais écoutez, ça c'est le titre de la chanson. Merci. On va se l'écouter tout de suite. Vous êtes sur Rire FM. Non, ça c'est la. Quel pays ça ah, gagne? Ben, je suis désolé, tu m'as donné un casque, tu me l'as même pas branché. Le mec oui, il arrive et me dit ça. Ah tiens, je vais te donner le casque. Tiens, voilà. Alors Israël. Je mets le casque et puis j'entends rien. Allez, c'est Israël, parti. C'était Israël. Je suis né. Ah, c'est l'Israël, voilà, avec la musique de la poule. On s'écoute, merci, c'est Rire FM. Passez une belle soirée. Nous sommes en direct à 20h30. De rien. Merci Kylian. Au milieu de la mer. Et nous sommes toujours en ambiance plage, comme vous l'entendez avec la fin de ce titre. Merci. Qui nous a fait gagner à l'Eurovision ou pas. Ça, c'est la petite nuance à avoir. Mais en tout cas, on vous remercie d'être à notre écoute. C'est pour ça qu'on vous aime bien, parce que vous êtes là. Il manque ouais, une pièce à ton micro, ouais, c'est Terence. On va essayer de te le trouver. Pas alors, mon micro. Hein. Attention, petite alerte, si vous le voulez bien. Il faut faire un petit point sur la météo. Qui ne sait nous faire le point météo? Terence Bernard. Ah, il nous fait le jingle. Vas-y, attends, on fait le jingle en direct. Le point sur la météo avec Terence Bernard. Il nous fait la vieille voix du procureur de la justice. J'ai des glaires encore là au fond de la gauche. Ah non. Non, tu fais pas de la radio locale, voyons. C'est vrai. Non, mais c'est pas du luxe, hein, c'est de la TV. Allez, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Non, on attend plus que toi. Pour le moment, il fait donc 23 degrés sur la. Ah ben non, il y a pas d'écran, je peux pas montrer, tu sais, comme ça. Oui, non, tu peux pas faire Catherine Laborde. 23 degrés pour le moment, un peu de nuages. Jusque 22h, en tout cas, moi, j'ai pas vu de pluie, mais d'après des gens du studio, du jardin, oui, voilà. Il y aurait apparemment de la pluie pile à 22h, donc faudra vite remballer toutes les. Tous les trucs électroniques. Voilà, donc c'est à dire que ça va faire. Je vais vous le faire la scène, ça va être comme ça, j'en suis sûr, parce que quand les prévisions météorologiques sont comme ça, c'est toujours pour. C'est en notre défaveur, il n'y a pas moyen, c'est toujours contre nous. D'ailleurs, même la fois où vous aviez dû aller chercher à droite et à gauche. Les clés, là, oh là là, c'était une horreur cette émission-là, parce qu'on a rendu 30 minutes. C'était une horreur pour nous, oui, toi t'étais bien au chaud. Oui, moi j'étais à pieds nus dans la pluie. Dans la pluie, dans la pelouse. Dans tout ce que tu voulais. Dans la boue. Dans la boue aussi, ouais, c'était une horreur. Mais bon, ça évidemment. Et une odeur. Trop sympa pour lui, Kylian. Ça c'est l'esprit de camaraderie que vous avez sur Rire FM. Vous l'avez pas ailleurs, ça. Il y a qu'ici que vous pouvez avoir des gens solidaires et sympathiques comme nous. Donc voilà, ça va faire comme ça à 22h, j'en suis sûr. Les micros ici. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de l'émission. Il est 22h. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et à la semaine prochaine. Il pleut. Merci. C'était quoi ça? C'était le bruit d'orage, okay, la foudre qui nous tombe sur la tronche. Avec l'écho, ça donnait très bien. Je sais. Allez, on passe à une autre actu ou on avait quelque chose à faire? Non. Ah, ben en fait, tout à l'heure, on a parlé des gens du Nord, mais on n'a pas parlé de l'actu qui était en rapport avec le Nord. Et les gens du Sud, hein? On n'en parle pas, eux. Ah non, ça c'est sûr. D'ailleurs, un sudiste, ça fait comment au niveau de l'accent? Je ne sais même plus, tiens. Il faut que j'aie une idée en tête. Tu veux du pain? Tu dis Pain à Carcassonne. Ah oui, c'est vrai. Alors, sort les boules de Pétain, Fieu. Ah non, Fieu. Fieu, c'est Libramont en Belgique. Il nous fait Jean-Michel. Ah, d'ailleurs, Jean-Michel, on va prendre de cette nouvelle. Allez, c'est parti. Jean-Michel. Oui, allô. Bienvenue. J'entends pas. Bah si, vous êtes en face de moi. Non, il y a de l'orage ici, hein. Vous êtes où? Dans le sud. Dans le sud. Ouais, je fais une partie de pétanque, hein. Ça se passe bien. Et la pétanque, vous y avez déjà joué auparavant? Pas bien parce que je suis en train de manger, hein, là. Je vous ai pas parlé et manger en même temps, hein. Pour une fois que vous êtes pas en train de boire. Ouais, mais là, je commence à avoir soif, hein. On s'en sèche, hein. Ah, Terence Bernard a peut-être une question pour vous. Non, moi j'ai rien à lui dire. C'est un sudiste, c'est, laisse tomber. Ah, t'as quelque chose contre les sudistes? Non, je rigole. Et contre les nudistes? Non, pas mes nudistes, hein. D'ailleurs, merde, j'ai un papier quelque part. Ah zut, il est dans le sachet sur la... là-bas, à l'intérieur. C'est pas grave. J'ai la journée mondiale du nudisme. J'ai la date. Ah bon? Il y a vraiment une journée mondiale du nudisme? Oui, il y a une date. Ça va vous plaire, ça, Jean-Michel? Bah, ça se fait, parce que là, on commence à s'ennuyer, hein. Petite note, la bonnette va avoir une odeur. Une odeur de frites. Une odeur monumentale pour la prochaine émission. Moi, je t'ai rien demandé, hein, moi, allez. C'est pas qu'il pue de la bouche, c'est qu'en fait, il pose sa frite contre le micro pour ne pas savoir articuler. Ne croyez pas qu'il joue bien le jeu, c'est juste qu'il a vraiment des frites. Ouais, ça faisait le moment, je peux manger. Dis-nous quel type de frites, parce que les auditeurs vont pas comprendre là. Bah, il a des frites en bouche, du coup il va avoir une odeur monumentale sur le micro, c'est un petit peu, tu vois. Bah des frites classiques, pommes de terre. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Il est trop innocent. Non, faites pas attention, c'est Terence Bernard, on a l'habitude, nous. Peut-être pas vous, mais nous on a l'habitude. C'est nouveau ce rire, ça, Jean-Michel, j'aime beaucoup. Allez, on va vous retrouver dans la suite de cette émission peut-être, d'accord? Moi, non, c'est là, je suis en train de manger, ça va être froid! Oui, on va vous laisser manger, ça vous va? Ouais, ok, merci. On vous sort de l'antenne. Voilà. On est de retour ici. Il commence à être en roue libre, Jean-Michel, là où ça se passe comment? Moi, j'en sais rien. Donc. il commence à dérailler. Donc, je disais, dans le Nord, faute de gants, elles enfilent des chaussettes pour cambrioler une maison. Je vous dis déjà, les voleuses plutôt, elles ont l'air de rien. Alors si en plus elles mettent des chaussettes à la place des gants, ça doit être magnifique. Les mains qui puent les pieds, quoi. Pas propre, j'espère au moins. Donc c'était vers 10h45 du matin, mercredi, que deux habitantes de la rue de Dunkerque à Fache-Tumesnil. Ah d'accord. Tumesnil. Tumesnil, un petit peu ce que tu fais. Ya, je te snil. Ont aperçu deux jeunes filles qui sortaient d'une maison et les détails révélés par les riverains. C'est choquant, ça, hein. Prouvaient que la porte d'entrée a été fracturée. Donc c'est la preuve qu'elles sont rentrées là par effraction. Elles ont volé des bijoux et des chaussettes. Donc voilà, bilan de la journée. Écoutez, on a volé des bijoux et des chaussettes. Là on a fait le jackpot, là c'est nickel. Bah oui. Je pensais que t'allais enchaîner. Ah non, c'était pas pour mettre les bijoux dans les chaussettes. Les bijoux dans les chaussettes. Ah, c'est peut-être ça, oui. Ben, ils ne le disent pas, là. En tout cas, les deux mineurs âgés de 13 et 16 ans. Ah, oui, d'accord, donc c'est des amatrices. Potes à Thomas. ont été interpellés pour le vol et avec effraction au commissariat. Alors là. Et en plus, je l'ai pris, cette cartouche-là, parce que je savais très bien qu'on allait faire des erreurs de. Bafouiller. Donc, voilà, on bafouille. Je vous le dis, c'est à chaque fois, on devrait mettre 5 euros. D'ailleurs, j'ai une séquence là-dessus sur le bafouillage. C'est vrai? Ouais. Bon, on aura ça dans les alentours de 21h30. Je suis impatient quand même d'écouter ça car ça doit être exceptionnel. Est-ce qu'on va se marrer au moins? Bah, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis pas voyant, mais. Moi, en tout cas, je me suis marré à faire le truc. Il prépare un sujet, est-ce que ça va être drôle? Je sais pas. Il paraît. Mais ça dépend du type d'humour. Enfin, mais bah, pour une émission du beurre. Je pense que toi, tu pourrais rire. Parce que c'est un peu plus ou moins ce que tu fais. Non, mais ici à la table, ça va, on est con, donc on va rigoler de fils. Je vais le prendre comment? C'est plus ou moins comme ce que tu fais. Non, mais c'est une vengeance, donc c'est plus ou moins dans le même. D'accord. Style. On va réécouter mon bafouillage d'il y a 5 secondes. Voilà. On dirait la moto du Nord-Pas-de-Calais qui arrivait pas à démarrer, que je parlais tout à l'heure. Allez, je vais démarrer l'auto, hein. C'est vraiment ça. Allez, voilà. Donc si vous êtes apprenti cambrioleur et que vous avez déjà foiré votre coup, et ben vous nous contactez +32 49 9 15 75, n'est-ce pas? Oui. Du monde. Si vous êtes cambrioleur, donc tu demandes aux cambrioleurs qui viennent nous le dire. Ouais, pourquoi pas. du monde sur le Snap. Non. As-tu publié le snap? J'ai publié le snap, oui. Ah. Mais sachant que c'est nouveau, bah, les gens doivent encore voir, voilà, et découvrir. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez nous ajouter sur Snapchat. Le nom d'utilisateur, c'est IlarFM, tout attaché en un seul mot, tout en minuscule, bref, tout simplement. Aux États-Unis, il cache son arme dans le four. Et attention, devinez ce qui s'est passé. C'est dingue. Il a mis des chaussettes à ses mains. Non, il a pas de... Ah. Non. Pour ouvrir le four, il a mis des chaussettes, non? Non. Mais arrêtez avec les chaussettes, il n'y a aucun rapport. Il a allumé le four. Non. Il a éteint le four. Non plus. Panne de courant. Il a été attaqué par son four en cachant son arme dedans. Mais dites-moi comment. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit attaqué? Le gaz s'est allumé. Ça a fait tirer le fusil et il est mort. J'en sais rien. Non. Il a posé un plat dedans et ça a tiré dessus. Ça a enclenché le... Bonne réponse de Terence. Quoi? Bernard. Il a effectivement été grièvement blessé par balle ce dimanche dans l'Ohio. Oh la vache, ce soir. Je vais aller boire un coup, pas hurler, hein. Merci. Alors moi j'ai plus ou moins... Excuse-moi, t'avais pas terminé. Et j'ai pas terminé, non. Excuse-moi. Même si je bafouille beaucoup, j'ai pas fini. Donc dans l'Ohio, après avoir caché son arme à feu dans son four, ignorant la présence du revolver, sa femme a allumé le four pour cuisiner. Johnny. Pourquoi Johnny? Ah oui, allumer le feu. Allumer le four, ouais. Ah le d'accord, feu. Ok. Et donc, l'arme a fait une rotation en explosant. Donc je ne vous dis pas comme c'était magnifique, c'est exceptionnel. Alors, ça va Kylian? Très bien, et toi? Qu'est-ce que t'as tenté de faire? J'ai essayé de lancer une frite, mais elle est restée collée sur ma lèvre. Qu'est-ce que tu voulais dire Terence? Moi j'ai plus ou moins le même type d'info en plus. Ah. Moi, c'est quelqu'un qui s'est blessé lui-même par balle, mais par son chien. Donc son chien qui lui a tiré dessus. Comment est-ce qu'il a fait? Alors, je vais t'expliquer. Bah, donc, la police américaine a annoncé vendredi qu'elle n'engagerait aucune poursuite dans une affaire impliquant un habitant de Iowa qui dit avoir été blessé par balle par son chien. Notre enquête sur les faits n'a pas permis de confirmer ou d'infirmer les déclarations de l'homme concerné. Cela pris en compte, aucune poursuite ne sera lancée, a déclaré la police judiciaire. Amen. J'explique comment du coup il a fait ça. Richard Rem, 51 ans, a raconté qu'il s'amusait mercredi sur son canapé avec son compagnon à quatre pattes, comme nommé Balou, qu'il a voulu faire descendre de son giron. Balou a alors tenté de retourner sur les genoux de son maître, qui portait à la ceinture son pistolet Ruger 9mm. J'étais sur le canapé et on faisait les fous, le chien et moi. Merci Cyril. J'étais en train de parler, Cyril, et tu me coupes Cyril. La parole. C'est la même chose, je m'en fous. Il doit juste se taire là, espèce d'impoli. Il est toujours déconcentré. Il pose son coude sur la table, il allume Siri sur son iPad. Évidemment, comme c'est une émission de radio, il a laissé bien la sonnerie allumée et le son également. Donc voilà, c'est quand même impressionnant. Le mec était en train de jouer avec son chien, il était sur les genoux et le chien essaye de monter sur ses genoux et il a appuyé en fait sans faire exprès sur son arme qui était carrément dans sa poche quoi. Amen. Merci beaucoup Terence pour cette actu et pour ce timbre de voix qui fait la richesse de tes interventions. Donc n'hésite pas à y mettre un peu d'intonation. Oui, d'accord. Naturellement, évidemment, tant que c'est possible. Bah, c'est la chorale qui suit. C'est la chorale qui suit, bien évidemment. Alors, encore des actualités à suivre dans cette émission. Si je retrouve mes feuilles, tout à fait, voilà, bonjour. Ça c'est fait, ça l'arme à feu, on a réglé, c'est terminé. Alors là, c'est dingue quand même. Et je vais vous le faire dans quelques instants. C'est dans un avion et ça se passe aux États-Unis. C'est impressionnant quand même, c'est impressionnant. C'est un mec, il a pété les câbles, voilà, débranché tout. Il a pété les câbles. Non, il a pété les plombs dans le vol. Je vais vous expliquer minute par minute ce qui s'est passé et je peux vous dire que c'est complètement dingue. C'est un peu le style Jean-Michel. Ah bon? Il est capable de faire ça. D'ailleurs, c'est une actualité que j'avais préparée au bureau tout à l'heure parce qu'avec Kylian, on prépare cette émission quand même. C'est pas Michel, c'est Jean-Michel. Dans la tronche. Ah ok, je savais pas que je m'étais trompé. En tout cas, voilà, mais ça ne me dérange pas. Ça dérange peut-être d'autres personnes, mais moi ça ne me dérange pas que tu me reprennes. Je pense qu'elle, ça la dérange un petit peu. Ça vous dérange, madame? Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Merci beaucoup. Vous en pensez quelque chose, Emmanuel Macron? Et on me dit que c'est trop long. Ah oui, je comprends, oui, effectivement. Merci, en tout cas, grâce à vous, on peut savoir où on en est. Et Kylian va s'ouvrir un fanta à l'antenne. Je t'en prie, fais-le bien près du micro. Voilà, c'est l'ambiance plage, vous inquiétez pas, vous êtes dans Jadoul, c'est le 20h, 22h qui est là et en très grande forme. Extérieur. Si vous le voulez bien, nous allons nous écouter un titre là maintenant tout de suite si c'est possible. Dans quelques instants, on va avoir l'objet du peuple. On en fait un aujourd'hui ou pas? Moi je vous dis, j'ai pas envie. Eh bah oui, alors on en fera un. J'ai pas trop. Merci Kylian pour ton soutien. Vous voulez vraiment qu'on fasse un objet du peuple? On va faire l'objet du village. C'est toi l'animateur. Bon, on est trois, on fait un vote. Allez, on peut pas tomber à égalité. Moi je veux bien, toi tu veux bien? Moi je veux bien aussi. Ok, merci, ça se retourne contre moi. Il y a du public, il faut demander au public. Il faut demander au public. Qui est pour l'objet du peuple? Bon, ok, j'ai compris, je suis le seul con ici à ne pas vouloir qu'il y ait un objet du peuple. Et eh ben c'est trop si gentil. Tu veux, t'as encore le chien là-bas? Le chien là-bas. Attends, je vais lui demander. Le chien, est-ce qu'on fait l'objet du peuple? Bon, ça veut dire oui, ça je pense. Ok, très bien. Bah alors, je me suis pris ça comme un boomerang à la figure. Une horreur. Bon, alors, on va s'écouter comme un boomerang. Vous savez de qui c'est ça? Gainsbourg. Mais non. Comme, je sais pas. Comme un boomerang. Eh ben oui. Mais c'est pas Gainsbourg. Ah non. Bah la voix, non. Le titre a commencé. Arrête. Voilà. Alors là, il vient de me griller l'intro du titre. Voilà, voilà. Tu peux parler maintenant, vas-y. Mais non, attends, si, je sais c'est qui. Etienne Dao. Etienne Dao. Voilà, comme ça c'est fait, c'est réglé. C'est Etienne Dao, hein, on est d'accord ici, hein, comme un boomerang. Si, de base c'était Gainsbourg. Faut que je regarde, attends, je vais voir. Bon, ok, il va se renseigner. Allez, vous êtes dans Jadoul, j'espère que ça va bien de votre côté. En tout cas, nous, ça se met en place, petit à petit, mais ça se met en place. Bonne soirée à vous. Je sens des mots. Le 20h-22h. C'est un peu comme un repas en famille. Il y a de la musique et de la nourriture. Il y a un oncle un peu bourré. Et bonne année. Qu'on essaye d'éviter. Bonne Saint-Valentin. Et il y a un gars un peu lourd. Oui, enfin ça, c'est tellement grossier comme affirmation. Il y a une personne âgée jamais contente. Le nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Et il y a celui que tout le monde connaît, mais on ne sait pas pourquoi. C'est Jadoul, tous les samedis, de 20h à 22h, sur Hilar FM. Oh, je suis fan de ce nouveau jingle. Ouais, ok, d'accord. Attends, on va laisser Terence régler son micro. Oui. Oui, donc j'avais raison. La musique qu'on vient d'entendre de comme un boomerang a été écrite par Serge Gainsbourg. Donc écrite et composée par Serge Gainsbourg et sortie en 1975. Bam. Hein, culture générale. Bravo, félicitations. Et on fait quoi maintenant, hein? Alors c'est bon, Terence, ce micro? Ça doit être bon, ouais. Ok, parfait. Voilà, vous êtes dans Jadoul, nous sommes toujours en extérieur. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Et nous, on est vraiment là, content. Je réalise un rêve ce soir, là je vous le dis. On est à l'extérieur avec les oiseaux et avec ce gros nuage gris qui menace de s'abattre sur nous. Donc j'ai très peur. Mais ça devrait aller, normalement la météo ça tient jusqu'à 22h. Bah d'après ce que j'ai vu, oui. Ok, nickel, ça va, ça me rassure, je suis content. Et Kylian? L'objet du peuple, c'est toi qui vas t'en charger. T'as demandé l'objet du peuple, tu l'auras, mais c'est toi qui le fais. Ah zut, j'ai pas monté ton micro. Je ne l'ai pas demandé. Bah t'as voté pour, c'est toi qui t'en occupe. Bah j'ai voté pour, oui, mais... D'ailleurs, tu peux me confirmer que notre responsable Manchmallow est en train d'installer le... Manchmallow? Manchmallow. Attends. Ah ouais, tiens, on va vérifier l'orthographe. C'est chamallow. Et pas Manchmallow. Ça existe. Marshmallow. Moi je dis marshmallow. Marshmallow. Bah, tout le monde. Et moi je dis chalumeau. Ça n'a rien à voir. Non, en attendant. Post Malone. Ah mais il est génial le feu. Post Malone, oui. Ah ça va être nickel ça. Et en plus c'est pas du. Il a carrément fait là. C'est du carton que j'avais dans un colis. Ils ont pris le carton qui emballait quelque chose que j'ai reçu par la poste. Il a même fait une structure en bois, on dirait le passenger. C'est génial, en fait c'est le grand feu d'Hilar FM, voilà c'est ça. À prendre en photo, ça sera sur le site. Oui, mets-le sur le Snap, Instagram et tout. Tu vois le passenger à Mons, tu sais la structure en bois un peu mal faite. Ah, oh là là, ça oui. On dirait ça. Oui, on dirait ça, non c'est sympa. Mais là c'est bien fait plutôt, j'ai l'impression. Ouais, hein. Avec c'est même mieux fait que... Avec que de la récup. Oui, bah on peut y aller, hein, c'est quand tu veux. Ah, il y a... Et le briquet. Donc, moi je vais mettre le feu pendant la pub, j'aime trop ça. Oui, il va venir parce que comme ça les auditeurs entendent un petit peu le point technique. Donc là, c'est-à-dire que c'est prêt. Oui, en fait, j'attends le feu vert pour allumer. Ah, d'accord, et c'est prêt à allumer. C'est prêt à allumer, je préfère allumer maintenant que lorsque la pluie va tomber, quelque part. Oui, ben nous, c'est plutôt le matériel qui nous inquiète, donc on va peut-être déjà l'allumer maintenant, comme ça on a déjà l'occasion d'en faire. Est-ce qu'on a au moins les bâtons pour mettre les manches malots? Oui. Et là, il va se dire, ça, on n'y a pas pensé. Les chats, Malo. Ah oui, oui, c'est peut-être une bonne chose avant d'allumer le feu, de peut-être avoir quelque chose. C'est pas grave, on les mettra après les doigts de pied. Donc, il faut qu'on retienne tous. On y va avec un peu de réverb. Comment ça se prononce? Ça se dit chamallow. Chamallows. On le fait à trois, tous. Attention. Barbecue. Merci. À trois, t'as dit à trois, tous, chamallow. Fallait dire à trois. Un, deux, trois. Ok. Non, à trois. Un, deux, trois. Trois personnes. Ah, ok. Bravo. Félicitations. On peut le refaire et là, tout le monde peut partir? Oui. Kylian, c'est chamallow. Hein. Chamallow. D'accord. C'est parti. Chamallow. L'eau. Merci. Bravo. Il n'y en a aucun qui suit. Hein. Ça, c'est. Ça, attends, c'est... Allez, allez, une dernière. Mais là, c'est la bonne. Mais j'en peux plus, moi. Trois, deux, un. Chamallow Coast. Ok, merci beaucoup. Un petit jeu. C'était de... un chamalour. Mais c'était pas compliqué. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein? Un coup, hein. Donc vous prenez le téléphone et voilà. Ça se passe comme ça. Sinon c'est pas drôle. Voilà, on est toujours à l'extérieur et en plus, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Kylian? Aujourd'hui peut-être, mais demain. Ok. Merci. Aujourd'hui, c'est... qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et en plus, il y en avait en face de chez toi. Ah oui, c'est la fête des voisins. Merci. C'est ça. Donc c'est la fête des voisins aujourd'hui. Donc si vous êtes un voisin ou si vous êtes à une fête, ah bah contactez-nous. Non, je ris. Non. Donc si vous avez alors là, on vient juste de me montrer les pics qui vont tenir les chamallows. J'ai juste l'impression qu'elles ont fait la guerre et qu'elles sont ultra hygiéniques. En termes d'hygiène, c'est bon, ça, l'AFSCA, elle valide. Oui. C'est les pics où on met les étiquettes de fleurs là-dessus. Il y a encore un peu de terre d'ailleurs après. Ça peut toujours être sympa. Donc aujourd'hui, c'est la fête des voisins. Donc, est-ce que vous l'avez fêté chez vous, par exemple, dans votre petit village chez vous à Zélange. À Zélange. Non, mais Terrence. Je savais même pas que ça existait, la fête des voisins. Et avec tu savais même pas que ça existait. Écoute, non, on vient de le dire. Dans mon village, t'as 90% de vieux. Donc. Ah oui, d'accord. Mais fête avec eux, c'est... Et par contre, en face de chez toi, Kylian, il y avait la fête des voisins. Ah oui, alors en fait, ils sont venus, je pense qu'il y avait la moitié de la ville d'Arlon qui était là. Hein. La fête des voisins, c'était aujourd'hui? C'est oui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que mes voisins d'en face sont morts hier. La fête des voisins, c'est super. Oh la boulette. Ils sont vraiment morts hier? Oui, oui. Ils sont à quoi? À la galère. Ils sont décédés? On suppose en tout cas, parce qu'on a vu une ambulance passer. Puis après, ce matin, un mec en cravate qui est passé prendre le journal dans la boîte aux lettres. Donc, les deux? Voilà. Le premier est mort il y a déjà quelques années quand même. Donc là, c'était la mamie. Donc oui, voilà. Non, mais j'ai l'impression juste que cette émission est surréaliste. On a un bed joyeux à l'arrière. Et on entend Terrence dire dans la plus grande des simplicités. Bah, tu sais, comme quand j'avais lancé Avicii. Oui, Avicii. Lui, ce couillon, il attrape un fou rire. Il est là, il lance. Et on va s'écouter Avicii maintenant. Il est mort. Et le pire, c'est qu'il l'a fait 4 fois. Il s'est planté, il a eu un fou rire 4 fois à l'antenne. Mais en plus, ça va rien avoir avec lui, que c'est ça le pire en fait. C'est ça le pire, effectivement, ouais, je comprends. Alors, attention, on va assister en direct à l'allumage du feu. On va procéder à. On va procéder à quoi qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit chrono, un petit quelque chose qu'est-ce qu'on fait, Kylian? Toi qui es producteur de l'émission. Enfin, alors, pas du tout, moi, mais bon. Attends, déjà, je me mets assis. Déjà, ouais. Le mec, il va se mettre assis, il va se taire. Alors, on va procéder à l'allumage donc du chamallow. On va se déplacer. Avancer jusqu'au feu, ok, et cramer tous ensemble et en chœur en chantant Jadoul, Jadoul, Jadoul. Nu, évidemment, sinon c'est pas drôle. Oui, non, je laisse ton fantasme à toi. Non, moi, je compte mourir habillé. Non, ce que l'on va faire, c'est que on va lancer un petit jingle, là, celui qu'on utilise habituellement pour les tirages au sort. 12 okay. Secondes, attention, on y va, c'est parti. On lance les 12 secondes. Attention, on se prépare. Le feu est allumé, félicitations! Comment ça se passe, Kylian, de ton côté? Ah oui, non, il a pas de micro. Il est là à l'autre bout du truc. Par contre, le câble est assez long. Tu peux peut-être lui donner son micro, Terence. Tu peux lui donner son micro ou... C'est bon, I'm there. Voilà, ben prends le micro avec toi. Même avec le fil, c'est pas bien grave. Il fait 20 mètres, donc t'as de la marge. Et comme ça, tu peux aller près du feu. Qui fume étrangement... Il y a de la marge. Qui fume étrangement noir. Et je pense que la personne qui est au-dessus est en train de perdre tous ses cheveux vu la fumée qui s'en dégage. En tout cas, ça brûle bien. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais ça brûle bien. Il y a des substances illégales là-dedans ? Oui, les factures. Non ? C'est que le papier, le bois qui fait ça ? Les ok, factures. Papier de colis. Bah oui, c'est le papier de mon colis. Oui ? Les factures, je disais. Les factures de quoi ? Les factures. T'as demandé s'il y avait des substances illégales et elle a dit ouais, les factures. D'accord, ok. Bah voilà, le feu est là et je savais même pas qu'on avait un barbecue ici à LRFM. C'est génial quand même cette radio. Y'a que nous pour avoir quand même ça. Qu'est-ce que tu fais sous la table, Kylian ? J'essaie de prendre le micro, mais. Ah, d'accord, ok. Tu l'as, ça y est ? Je l'ai. Il va cramer le micro, je te le dis. Je le connais. Oh, bah vu la tête de la bonnette, je peux vous dire que s'il crame, c'est pas bien grave. Les chips, c'est tout qui est dessus. Les frites. Avec les interventions de Jean-Michel. C'est bon, ça sent le ketchup ici. Non, ça sent pas le ketchup. Tu manges du ketchup qui a du feu, toi. Oui, ici il y a du ketchup sur la table, là, je le sens. C'est celui-là. Mais genre, lui, il y a du feu à côté de lui. Moi, je sens que ça. Et lui, il arrive à sentir le pot de ketchup qui est à 3 mètres de lui, quoi. Oui, voilà. Donc, si vous voulez voir ce qui se passe ici, vous n'hésitez pas sur Bonjour. C'est sur l'Instagram et sur le Snap. Là, il est en train de faire un Snap, Kylian, c'est ça? Oui. Merci Kylian. Voilà, nous sommes toujours en direct et je vais vous dire maintenant la date de la journée du nudisme. Si ça vous intéresse. Ça m'intéresse. Merci Kylian qui a l'autre bout du truc avec son micro. Attention, je l'ai quelque part. Il y a tellement de dates en fait. Tu sais que le 19 août c'est la journée mondiale de la photographie. Tu sais qu'il y a la finale. Purée, je me fais attaquer. Ah non, ça va, c'est une cendre. une cendre. Ah oui, d'accord, une cendre du truc. Oh, il y a du charbon même. Ah, c'est génial. Ah, je suis fan. Ah oui, moi aussi. J'ai de la fumée dans le visage. C'est vrai que là. Bah, assis-toi. Pour rappel, on a fumé dans le visage, mais bouge. Pour tous ceux qui nous rejoignent, nous sommes toujours à l'extérieur d'Hilar FM, devant le studio, dans la rue. Et on est en train de fêter notre fête des voisins à notre sauce. Sauf que ça fume tellement ici. Mais Kylian, il a toutes les cendres sur lui. Ça va ? C'est la troisième qu'il a sur lui. T'as pas été brûlé ? Non, ça va. Il se fait attaquer par la fumée. Donc, la journée du naturisme, je la trouve pas sur mes feuilles. C'est quand même c'est affreux. Mais je l'ai vu tout à l'heure. Ah, Jean-Michel. Jean-Michel, attends, il faut qu'on l'appelle. Là c'est urgent. Est-ce qu'on peut l'appeler ? Jean-Michel ? Jean-Michel, allô ? Allô ? Vous allez bien ? Bien et vous ? J'ai une information importante pour vous. Ah, oh, merde. Le 3 août, c'est la journée mondiale de la bière. Ça... Mais chez lui, c'est tous les jours la journée mondiale de la bière. Vous allez vous en remettre, Jean-Michel ? Jean-Michel ? Allô ? Ah. On va peut-être appeler les secours. On va appeler s'il y a moyen d'appeler les secours, là. Voilà. Allô, je suis bien au secours ? Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, monsieur Ledoux. C'est monsieur Ledoux, l'appareil. Pour vous. C'est juste pour savoir si vous pouvez envoyer une ambulance chez Jean-Michel. Une ambulance, on va faire ça tout de suite, y'a pas de soucis. Merci beaucoup les urgences. L'adresse s'il vous plaît. Ah, je vais rappeler Jean-Michel. Jean-Michel ? Ah oui, non, il est mort. Je reprends police secours. Oui, allô, monsieur Ledoux, l'appareil. Pouvez-vous me dire ? Allô ? Je ne sais pas, mais c'est dans le sud. C'est dans un endroit où ils font de la pétanque. Faut que je règle mon sonotone. Oui, non, mais... Monsieur Ledoux, c'est dans un endroit où ils font de la pétanque et où il y a de la bière. Dans le sud. Je ne sais pas, vous dire plus. Qui dit le monsieur qui est là ? Mais vous pouvez pas savoir avec son... Il faut du métranque et il y a des pierres. Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi vous voulez pas son numéro de téléphone pour pouvoir le localiser ? Oui, bien sûr. J'ai un interphone, oui. Ok. Il est branché. Je pense qu'on va raccrocher. Voilà, ils ne comprennent pas. C'est pas grave. On va le laisser mourir dans son coin. C'est pas bien grave. On trouvera une occasion de... Le vilain. Oh, Jean-Michel s'en sort toujours, de toute façon. Oui, c'est donc, vrai. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. Est-ce qu'on peut enchaîner ? On l'enchaîne. C'est parti. Alors, est-ce qu'on peut passer à l'actualité des news de la semaine, encore une fois, si vous êtes d'accord ? Yep. Oui. C'est parti. Ouais. Donc, je vous l'ai teasé tout à l'heure, c'est aux États-Unis, en plein vol, un homme. On dit pas tuer un chasseur. On dit pas diser, on dit teaser. On dit pas diser, on dit dit. Waouh, j'ai réussi à la faire. J'ai pas dit diser ? Non, t'as dit j'ai teasé. Le vilain. Je suis désolé, c'était pas dans un sens méchant. Uh-huh. Donc c'est un homme originaire du Colorado qui a fait face à des accusations de harcèlement après avoir eu un comportement odieux à bord d'un avion en direction de Charleston aux États-Unis, rapporte le Charleston Post et Courrier, c'est le nom du journal. L'homme qui était en état d'ébriété a harcelé une autre passagère et a uriné sur un siège. Ah. Voilà. Il s'appelle Michel. Non, je rigole. Il s'appelle Michael Allen Haig, un habitant de la ville de Boulder. Boulder, c'est presque Boulder, mais c'est Boulder. Voilà. Boulder, c'est bien aussi. Il a envoyé Boulder, quoi. C'est vraiment ça. Donc, des questions et un comportement déplacé installé dans la rangée du milieu de l'appareil. Michel aurait confié à une passagère assise à côté de lui qu'il allait rendre visite à une vieille amie qui était physiquement très excitée. Voilà, donc l'homme était déjà assez chaud de base et la femme a déclaré qu'il allait lui rendre visite. Ah oui, ça c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, effectivement. Ah, il y a des cendres qui volent en fait, j'ai pas suivi. Bah oui, ils volent sur moi. Ça va, t'es habillé en blanc, c'est bon. Oui, ça tâche pas. Et donc, sa voisine s'est aussi sentie un petit peu mal car il n'arrêtait pas de relooker ses jambes et sa poitrine. Donc, situation assez compliquée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un vol d'avoir une situation un petit peu insolite? Dans un vol, bah, à part ma mère qui... Ça a bougé. Mais non, maman, la bouche, c'est normal, on est dans quoi? T'as accouché dans l'avion? Non, mais voilà, bah, j'étais pas mieux qu'elle non plus. On peut appeler Monsieur Ledoux. Non. Une fois, j'étais à Londres. Et il faisait vraiment, vraiment du mauvais temps. Et donc l'avion, vraiment, en fait, il y avait énormément de turbulences. Et j'avais jamais eu ça. Et donc on avait vraiment, vraiment eu super peur. Moi, j'ai vraiment cru qu'en fait, il allait se cracher, quoi. Quand il a atterri, ça a pas atterri vraiment plat. Tu sais, l'avion, il doit atterrir plat. Et oui. On a senti l'autre côté de l'avion qui était posé en premier. Puis on a senti qu'on a été déposé après. Enfin, je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer et que je suis compréhensible, mais voilà. Comme d'habitude. Non, mais c'est dur d'expliquer ça en même temps. Mais donc en gros, l'avion a posé la première roue en premier et puis la deuxième roue en deuxième et pas simultanément. J'ai un ami, enfin un ancien ami qui est parti, je pense, du côté des îles Canaries et qui a sur le voyage du retour eu des petits problèmes de turbulence, mais tellement gros problèmes qu'il a cru qu'il allait mourir. Donc il a attrapé la gastro en voyage. Clairement, moi aussi. Non mais il y a entre quelques turbulences et quand t'es pas habitué, tu te dis on va crever. Et t'as aussi les vraies turbulences que là tu te dis l'avion il va se démembrer. Donc j'ai vraiment cru que je te crois. Il y avait carrément de l'orage, etc. quoi. Il y a pas de souci. Allez, je suis passé par là aussi. C'est vrai? Oui, je suis passé par là aussi. Quoi, quand t'as fait un vol pour aller à New York? Non, par l'avion. Je sais plus si c'était Djerba. En Tunisie, ouais, peut-être à Djerba ou en Turquie, je sais plus. On a dû passer dans un gros nuage noir. Et à un moment, il y a eu plein de turbulences et tout ça, et puis il a commencé à avoir un orage. Ah! Oui, et là tu dis ok, c'est comme dans les films, mais en fait après ça a été quoi. Ça a été, bah c'est l'essentiel. Allez les amis, je vous remercie d'avoir choisi l'émission numéro 1 du samedi soir. Nous sommes en direct, il y a des cendres qui volent partout, il y a du soleil et je peux vous dire, c'est la fête. On est très content d'être là en extérieur et je vous le dis, cette émission va rester dans les mémoires de tout le monde. En tout cas, je pense qu'on est bien parti. La la la la la. Jacques Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Ce soir, Jadoul est en direct de la plage. Bon, il manque juste la mer, le sable et les vendeurs ambulants. Mais on pourrait y croire, non? On va quand même pas vous dire qu'ils sont dans la rue. Devant le studio d'Hilar FM. Essayez juste de nous comprendre. Si on les aère pas, ils deviennent fous. Jadoul, en direct et en plein air, de 20h à 22h sur Hilar FM. Bonsoir, vous êtes en direct dans la première émission du samedi soir, en mode plage, là on est bon. Kylian, un petit point sur le barbecue? Ah, alors oui, je vois qu'on est en train de gesticuler dans le feu. Dans le feu, carrément. Oui. Méchant. Non mais il y a des flammes. C'est vrai qu'il met carrément sa main dans le feu. Hein. Ouais, c'est à la limite là. On a pris les cascadeurs, les plus grands cascadeurs hein, pour faire ça. Quand même, parce que quand vous êtes embauché à Hilar FM ou à TMS Prod, vous devez quand même pouvoir visser des micros, attacher des projecteurs, mais aussi faire du feu, des barbecues. C'est au moins un métier complètement polyvalent. Amener des frites. Et amener des frites à l'antenne. Enfin, c'est juste quelque chose de génial. Oh, mais faut pas se prendre la tête, vous le savez, la vie est toujours belle. La vie est belle, aussi belle que toi. Allez, on va faire peut-être la séquence de Terrence. Tiens, on a un peu le temps là. La séquence de Terrence, ouais, pourquoi pas. La séquence de Terrence. J'ai pas trouvé de titre, hein, donc voilà. Et alors, je ne suis au courant de rien du tout. Il va me faire des signes quand il faudra lancer les titres, les sons qu'il a préparés et tout. Donc ça va être assez sympa. Tu peux peut-être arrêter de chipoter à ton micro, Kylian, et l'attacher de nouveau à ton pied, histoire que tu puisses suivre l'émission normalement sur ton iPad. Bon. Il faut savoir qu'il est à fond sur son iPad parce qu'il va absolument voir le match, sauf que... Finale, je veux voir la finale. Oui, mais dans quelques instants, et on va te l'amener. Mais pour l'instant, tu te concentres dans l'émission, s'il te plaît. Donc, on va regarder un petit peu s'il y a moyen d'avoir tes sons maintenant. Je les ai, ils sont chargés. Donc, je t'en prie, c'est quand tu veux, Terrence. Je pense que tout le monde a remarqué, aussi toi, Kylian et les auditeurs, qu'à chaque fois que je viens ici, vous vous moquez toujours de moi. Non, du tout. Alors là, pas du tout. Alors ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est un mensonge. Voilà. Vous avez même des dossiers sur moi, et en voici la preuve. D'accord. Il arrive. Voici Terrence Bernard qui est toujours avec nous dans le studio. J'espère que tout va toujours bien pour toi. Ouais, tout va toujours bien. Ouais. Car je ne te cache pas qu'on a des séquences prévues avec toi. Tout va toujours bien pour le moment, quoi. Oui, pour le moment, quoi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Et du coup, moi aussi, j'ai des dossiers sur vous. Pour me défendre, j'ai reçu le soutien du porte-parole des auditeurs sur Bel RTL à 13h30, l'émission de Jules. De Jules. Et voilà. Non, ça, vous écoutez Bel RTL. 10h30 midi, Jean-Michel Zeka sur Bel RTL. C'est tout vu. Voici Jules, le porte-parole des auditeurs. Bonjour à tous. Avec, pour démarrer, une innovation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui. Ça s'appelle vraiment Hilar FM. Oui, apparemment, c'est ça. C'est mi-web radio, mi-FM. Je ne sais pas trop. Je suis encore en train d'enquêter sur le dos. Faut que je me renseigne. On est à la veille de la mort de Jacques Higelin. Voilà. Et donc, il passait une de ses chansons à lui, Champagne. Et pour Jadoul, c'est l'animateur en question. Ça n'a pas dû être facile d'apprendre la mort de Jacques Higelin parce qu'il connaissait très très bien cet artiste, apparemment. Et allez, on va maintenant se donner un petit peu de motivation en sortant le champagne, pourquoi pas, de Jacques Higelin. Jacques Higelin, tu sais le dire? Jacques Higelin, je sais pas. Jacques Higelin. Jacques Higelin, c'est énorme. Voilà, Jacques Higelin, Jadoul, donc aussi cultivé qu'un géranium. On peut le dire apparemment. Nouveau venu dans la galerie. Nouveau venu dans la galerie. Ouais, j'ai envie de dire welcome. Welcome Gadoul. Welcome Gadoul, on va s'entendre à nouveau puisque j'ai deux, trois autres dossiers sur votre personne. Gilles, oui. Vous êtes une crapule. Ouais, je sais. Il me déteste, mais tout le monde est logé à la même enseigne chez moi. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ma faute. Voilà, il faut jamais redire un nom comme ça parce que la prochaine fois, ça va nous porter la poisse. Ah, merci beaucoup. Et je crois que tu connais bien Jean-Michel, mais tu connais aussi bien Jean-Michel Zeka. J'ai réussi à me procurer en fait un enregistrement de vous deux. Je me suis interféré entre une conversation téléphone. J'ai peur. La voici. Dans l'actualité, on a une rumeur à laquelle on va mettre fin, car c'est complètement faux. C'est une fake news. Il paraît qu'il y a des gens alcoolisés dans cette radio. Vous écoutez Bel RTL. Bonjour Jean-Michel. Comment ça va les amis? Ça va et vous? Bel RTL, c'est tout vu. Jean-Michel Zeka. De Fabrice Collignon à Jadoul de Hilar FM, vous entrerez ce matin une fois de plus dans la galerie des personnages victimes de Jules. C'était une blague, bien évidemment. C'est bon. Ça, c'est gentil. C'est ça. Que de l'amour. Oh. C'est un peu la particularité du porte-parole des auditeurs. Ok. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on passe un petit coup de fil à Jean-Michel. Jean-Michel, allô? Allô? Oh, vous êtes là! Je vous adore! Eh oui! Et ça fait quoi quand même de voir un buffet sans alcool? On s'en fait mal! Attends, les cons, ils sont trop bêtes! Oh, mais ils sont trop. Mais c'est des bêtes, là! Donc le mec se paye ma tronche et raconte n'importe quoi! Jean-Michel, est-ce que vous êtes là? Jean-Michel Zeka. En direct, Jules, le porte-parole des auditeurs, avec ce matin. Des auditeurs, Des auditeurs. Allez, ce matin, programme. Un point partout, balle au centre. Bon. On va en parler tout à l'heure, justement. On va du côté de Hilar FM, où apparemment ça picole un petit peu avant de. Oh non! Pourquoi il faut toujours que ça finisse comme ça? Ça picole un petit peu avant de prendre le. Il n'y a pas que micro. Enfin, en tout cas, on dirait. Ça recommence, ça y est. On s'est fait démasquer. Je ne peux pas aligner trois mots ce soir, je vous le dis, c'est une catastrophe. Cette émission part complètement en cacahuète. Eh ben, j'ai envie de vous dire un truc. Merci Jean-Michel, on vous sort de l'antenne. Oui, on n'a pas bu. Oui, on n'a pas bu. Jamais d'alcool dans cette émission. Jamais. Si, si. Il y a des phrases que je dis qu'il faut qu'on dise que j'ai bu. Ça passe plus. Bien, merci Kylian en tout cas pour ce grand moment de radio. Voilà, voilà. Non, mais je te remercie du fond du cœur. C'est une des séquences qui m'a fait le plus rire depuis le début de cette émission. Félicitations. Sérieusement ? Ouais, vraiment. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Ah non, non, non. Le dernier, je le garde au cas où vous continuez à vous moquer de moi. Ah, ah d'accord. Donc voilà. La séquence on va continuer. Séquence s'arrête là pour le moment. Au cas où, tu peux nous sortir ça. Voilà. Mais c'est juste génial. Bravo en tout cas. Félicitations pour ce son-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup marrer. Donc, on rappelle bien. On est vraiment passé sur Belle RTL dans le zapping. Là, je sais pas qui nous a balancé, mais je vais vous le dire. Celui qui nous a balancé, ça va chier pour lui. Par contre, le deuxième montage qu'il a fait, ça c'est de la parodie, mais c'est extrêmement drôle. Félicitations, Terrence. Merci. Et tu pourras nous repréparer ça une prochaine fois si t'as envie et si t'as le temps. En tout cas, ça nous a fait beaucoup marrer. De toute façon, on est en direct jusqu'à fin juin. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Ils vont rester à l'antenne jusqu'à fin juin. Non, ce serait compliqué. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez réagir sur le hashtag Jadoul ou sur tous les réseaux sociaux, peu importe. IlarFM sur Insta, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. Ou le par Snap, téléphone. Et par téléphone, c'est au plus 32 49 9 15 75. Merci. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a tous les renseignements nécessaires afin de continuer cette émission dans la meilleure des ambiances. Et voici la toute dernière actualité. Et je vous le dis, elle est dingue. Elle est complètement dingue. Quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas exister. C'est parti, on y va. Dernière news de la semaine, de la soirée. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et dans ces news de la semaine, il y a une actu complètement insolite que je vous propose de vous faire deviner. En fait, aux États-Unis, une enceinte connectée envoie quelque chose de privé à un couple à son insu. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé ce petit haut-parleur connecté ? Une enceinte, genre une enceinte Bluetooth pour écouter de la musique. Voilà, je pense que c'est c'est Alexia là. Peut-être qu'ils étaient en train de faire des choses pas catholiques et que ça enregistrait ce qu'ils faisaient. Pas vraiment. Un enregistrement vocal. C'était. Oui, un enregistrement vocal de. Du mari. De la femme. Alors, suite à un dysfonctionnement de la part de l'enceinte connectée, des termes de la conversation et des directives lui ont été donnés par accident. Un couple de la ville de Portland aux États-Unis a eu une mauvaise surprise. Leur enceinte connectée achetée chez Amazon a enregistré une de leurs conversations privées et l'a envoyée de manière aléatoire à l'un de leurs contacts. Rapporte la chaîne locale. L'ensemble de la maison du couple est connecté à Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon, donc cet haut-parleur-là. Mm-hmm. Que ce soit pour le réglage du chauffage, les lumières ou encore le système de sécurité de la maison. Mais au début du mois de mai, l'amour que la famille portait à la technologie de pointe s'est soudainement éteint. Je cite « Avec mon mari, nous plaisantions régulièrement, je suis certaine qu'elle nous écoute », rapporte Daniel, la femme qui n'a sûrement pas envie de plaisanter avec cet accident. Alors un appel a tout fait basculer, la personne sur l'autre ligne a dit « Débranchez vos appareils Alexa tout de suite, vous êtes piraté, il s'agit d'un employé du mari de Daniel ». Donc véritable piratage ou un dysfonctionnement, jusqu'ici on n'en sait pas plus, mais en attendant Amazon a dit « Ils ont contacté les ingénieurs et ils ont parcouru toutes les failles techniques possibles et n'ont pas encore trouvé comment ça a pu arriver cette faille là. Donc si vous comptez acheter une Alexia de chez Amazon, bah réfléchissez-y à deux fois car c'est un petit peu quand même dangereux. À mon avis c'est un piratage, c'est pas possible autrement. Comment tu veux qu'une enceinte Bluetooth enregistre et envoie à des contacts? comment tu veux. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la magie, c'est la magie de la technologie. Mais de la technologie, justement, c'est strict. Enfin, quand il y a un bug, c'est vraiment qu'il y a une faille dans le programme. Mais là, ça peut pas. C'est pas le but d'une enceinte Bluetooth. Ça c'est peut pas être un dysfonctionnement. L'informatique, c'est quand même quelque chose de régulier, de structuré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. C'est binaire. Voilà, donc ça peut pas, c'est pas possible. C'est, en théorie, c'est pas possible, mais bon, avec les intelligences virtuelles et tout ça, c'est toujours un peu compliqué. Real Madrid Liverpool, c'est ça ? Oui. Eh ben, figure-toi qu'on a le match. Ouais. Pour toi. Je pense qu'on l'a. En exclusivité sur Hilar FM. En exclusivité, je ne pense pas. Mais si on capte encore un peu le réseau de l'accueil, on devrait avoir la possibilité de te donner ce match qui se joue actuellement sur une chaîne. Et donc, en principe, tu devrais l'avoir. C'est la télévision en direct. Je ne sais pas si ça fonctionnera. Mais en tout cas, on t'a donné l'occasion de l'avoir, ça. Merci. Le feu commence à être prêt, Kylian, ou pas ? Alors, oui, bah, je vois des grandes flammes de 4 mètres, voire 5 mètres de. Non. Ok. Ah oui, petite anecdote de Kylian. Quand j'étais avec lui, ça remonte à il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Là, on s'est garé tout à l'heure, Kylian. Oui. Tu peux le raconter ? Attends, on s'est garé où ? Sur un parking, derrière le bureau Hilar FM. Derrière le bureau de TMS Prod. Oui, je me rappelle. Donc, en fait, il y a un arbre juste là. Et il y a un arbre sur le parking, voilà, à l'arrière de TMS Prod. Dans un petit jardin qui est à côté, quoi. Et donc enfin, c'est le jardin du parking. Voilà. Et donc il est accessible par tout le monde. Voilà. Et donc bah, on était petits avec Thomas j'avais vu une branche de l'arbre. Et j'ai voulu me pendre après. Donc tu sais, c'est assez cool, toi tu te pendes, t'as l'impression d'être comme Tarzan, quoi. Et du coup je fais Thomas viens, essaye, tu vas voir, c'est cool. Alors Thomas il fait non je touche pas à ça, non ça, je sens que ça va casser. Mais non, regarde, c'est solide. Alors je me pends après, et là je finis couché par terre, dos et fesses éclatées au sol. Ça piquait un peu, mais je dois dire que au moins je remonterai plus jamais aux arbres. Il s'est pendu à la branche, il s'est ramassé par terre. Mais non, il y a encore une autre truc. Tu te rappelles plus quand on était petit, qu'on jouait à papa et maman. Mais non, alors là jamais. Au médecin et au docteur. En plus, j'ai jamais joué au patient. Tous ces jeux de rôle, j'y ai jamais joué. Non. Quand j'étais petit. Docteur, c'est pas un jeu de rôle. J'aime autant dire que. Non. Parce que t'avais pas d'amis. C'est comme dans les cours primaires, on joue à touche-touche. Tu vois, genre toucher, ouais. C'est toi le loup. Enfin le truc. Enfin bref. Tout le monde connaît touche-touche. Hein. Et donc on courait dans un jardin. Et là, je veux continuer tout droit. Donc j'étais dans l'herbe. Je veux continuer tout droit. Ah oui, je m'en souviens. Et en fait, je suis tombé d'un mur de 2 mètres. Non, 3 mètres 50. 3 mètres 50. Bah, 3 mètres 50. Et j'ai fini aplati en bas. Sans savoir quoi j'étais. Il a sauté de ce mur-là, mais je vous le dis, il s'est rétabé la gueule par terre. J'ai fini en grand écart. Je sais pas comment je me suis rien cassé. Quoi. Ah, qu'est-ce que t'as encore fait, Terence, de ce style ? Alors, à ton avis, attention, grand moment de tristesse. Là, j'ai plus ou moins deux anecdotes. Ah bah attends, tu vas nous les faire dans un instant avec le bed approprié à cela, évidemment, puisque on te connaît, ça va encore être un truc lunaire. Prends ton temps, parce que là, je termine ma frite. Ouais, le mec il mange à l'antenne sans aucun souci. Bravo Terence. T'es obligé de faire du bruit comme un vieux forain. C'est le seul, quoi. Vraiment, on a énormément de chance. Bien, tu peux nous faire ton anecdote, j'ai pas le ben. Ah, tout ça pour ça. Non, mais tout ce que j'ai sur la main, je vous le dis, hein, comme ça, je suis 100% transparent avec vous. Tout ce que j'ai sous la main, c'est ça. Tout ce que j'ai jamais entendu ce bed là, moi. Non, c'est un jingle, ça. Oui, enfin, je l'ai jamais entendu. C'est un jingle de la radio. Ah bon. Ouais. Enfin, soit. Donc, dans ma chambre, en fait, quand j'étais petit, j'avais les lits à deux étages, tu sais, avec l'échelle, un matelas en bas, un matelas en haut. Et une balançoire à plus ou moins 2 mètres aussi du lit. Donc, accrochée au plafond, avec une grande corde qui va jusqu'en bas. Et donc, moi, à chaque fois, je m'amusais à sauter du lit à la balançoire, parce que moi, j'étais agile, moi. Mm-hmm. Et j'ai voulu apprendre à ma sœur à faire pareil. Alors, parce qu'en plus tu transmets tes conseils. Voilà, bah oui. Bah quand on en a, il faut en transmettre. Du coup, ma sœur, bah, elle est montée. Je lui dis, mais tiens, vas-y, on va faire Peter Pan, on va faire Tarzan, vas-y, je te mets de la poussière de fée. Alors je prends la poussière de fée, en fait c'était des paillettes, tu vois. Oh, je lui mets dessus, je dis, vas-y. Le bordel chez eux. Vas-y, saute, tu sais voler maintenant, tu sais voler. Ma sœur, super petite et naïve, bah ouais. Sauf que elle saute pas, elle s'est laissée tomber devant en avant, tu sais. Genre, t'as les pieds, on dirait un Playmobil. Un Playmobil qui s'est cassé la gueule, t'as les pieds, il reste comme ça. Et puis t'as son corps qui se penche en avant, et puis. Oh non. Et puis. Ah, mais je t'avais dit de sauter, t'es conne. Et puis ça a fini à l'hôpital. Commotion cérébrale. Ça a fini à l'hôpital, commotion cérébrale. Commotion cérébrale. Mais le gars est malade. Commotion cérébrale. Bah, tu crois, qu'il a fini comme ça comment, toi? Non, mais t'es fou, toi. C'est ma sœur qui a fini. Oui, c'était ta sœur, oui, mais t'es passé par là. Moi, j'ai fini également comme ça parce que un an plus tard. Bah, toujours été fou quand j'étais petit. Moi je pensais, j'ai eu des périodes où je pensais que j'étais un chat. Quand tu parles, oui. Je pensais que j'étais un chat. Par exemple, tu sais, j'avais un déguisement de chat et je sautais en chat, je mangeais en chat, je répondais par tout le monde comme miaou, par miaou. Il y a eu la période aussi Spider-Man où je lançais des toiles d'araignée partout. Moi, c'était Twilight, tout le temps. J'étais persuadé que c'était Twilight. J'étais tout le temps déguisé en Spider-Man. J'allais à l'école en Spider-Man et tout. Ah, vraiment? Puis, ah oui, non, vraiment, en fait, je croyais vraiment que j'étais des gens, c'était vraiment un truc. Ses parents, ils devaient se dire... De toute façon, ils souffriront si jamais j'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Et voilà, ça, c'était comme ça. Et les profs, quand ils le voyaient arriver, ils disaient... Regardez l'autre fou, là, l'autre mocheté. Non, vraiment, quand j'étais petit, j'avais vraiment de gros problèmes. Non, vraiment. Oh oui, oui. Non, mais ça a été suivi et tout. Hein. J'ai été suivi, là, maintenant, je suis quelqu'un de normal. Enfin, soit. Je crois, donc j'ai eu ma période Peter Pan. Je pensais vraiment que je pensais vraiment que je savais voler. Je me suis réveillé un matin. Je me suis réveillé un matin en ayant rêvé que je savais voler. Mais le rêve, je pensais qu'il était réalité. Il a sorti d'un balcon. Il a sauté d'un balcon. Il est mort. Non, j'ai essayé du lit en sautant sur le sol, mais j'ai pas réussi. Du coup, je me suis dit, je vais m'entraîner. Donc, j'ai mis des matelas partout sur ma chambre, sur les murs, sur le sol. C'est véridique, hein, ce que je dis. Je ne mytho pas parce que je vois des gens dire, ouais, n'importe quoi sur Hilary FM, il raconte n'importe quoi. Non, c'est vraiment vrai. J'ai mis des matelas partout dans la chambre en m'entraînant à savoir voler. Et quand je me suis senti prêt, j'ai sauté des escaliers. Commotion cérébrale à l'hôpital. Pareil comme ma sœur. Les neurones, ouais. C'est dingue, mais félicitations Terrence. Bon, félicitations. Il n'y a qu'avec toi qu'on peut avoir ça quand même. C'est juste génial. Ça encourage les jeunes. Ouais, non, mais alors là, c'est juste dingue. Mais... Je n'en reviens pas qu'on a quand même des chroniqueurs comme ça dans cette émission. Mais c'est ça qui fait la richesse de cette équipe. Je suis complètement fan. Bravo, félicitations à vous. On dirait que je suis en train de vomir sur le micro là, sur ta photo, Kylian. Mais non. Bah, si. Tu es en train de l'embrasser là. Non, ouais, c'est vraiment. Bien, c'est bien. Vraiment, on dirait que tu fais un bisou au micro. Change. Ouais. Oh, j'avais fait un beau truc en plus. Mais justement, avant de faire ton beau truc, tu non, demandes. Non, change pas pour les gens. Non, mais reste toi-même. Vous êtes pas en train de. Moi, je suis en train de kiffer cette émission en public là, en grand air. Ouais, devant les plantes, oui. Non, mais on a un peu le public qui passe de temps en temps. Alors, comment tu trouves cette émission? Merci. Voilà, on a les voisins qui passent aussi de temps en temps, qui nous regardent. Donc c'est plutôt pas mal. C'est notre fête des voisins à nous, quoi. Hein. C'est les voisins d'IRFM, ils ont envie de toutes les couleurs, étant donné qu'on a aussi le plateau de TMS Pro de là-haut. Et on a déjà envoyé des gens avec des extincteurs se les foutre sur la gueule à l'avant. Donc, ils en ont vu de toutes les couleurs, je peux vous le dire. Mais moi, franchement, je suis heureux. Là, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux pour ce soir. D'ailleurs, Flora, vous connaissez peut-être Flora grâce à l'émission. L'émission. Comment ? À l'émission chère, l'émission média. Oui, tu connais très bien Flora, oui. Elle n'a pas de cheveux sur la langue. Mais non, elle parle comme ça. Non, pas du tout. Elle parle tout le temps comme ça. Donc, ça l'énerve. Ça m'énerve. Voilà, elle parle comme ça. Elle fait ça. C'est pas possible. Un pugilat, c'est une chasse, c'est cool. Non, il a tellement positionné, j'ai l'impression qu'il a plu. Non. J'éteins le feu là-bas. Il l'a plu. Honnêtement, Flora, elle m'a beaucoup fait rire car dans la voiture avec un de mes meilleurs potes, elle a quand même dit. Ah, là, l'espèce de chapiteau, il y a quoi? Ah, ben c'est un spectacle de dinosaures. Ah, et c'est des vrais. Ok, elle était vraiment sérieuse. Oui, elle était sérieuse. Et surtout, après, elle a fait ah, ben dis donc que je suis conne. Je suis conne. Non, c'est ça. Non, elle est juste géniale. Bah, quoique, vu ma prof de maths, pourquoi pas un spectacle de dinosaures, c'est peut-être possible. Ça, c'est pas gentil. Ta prof de? De maths. Ok. Merci d'avoir mis beaucoup de rythme dans cette intervention, Kylian. Non, en fait, j'ai cru qu'il parlait d'une prof particulière qui était prof de sciences et que non, tout le monde connaît ici à table. Non, elle n'est pas si gaillée que ça de toute façon et on ne citera pas de prof dans tous les cas. 21h30, vous écoutez l'Art FM, première radio du samedi soir. You've been running around, running around, running around. Nous sommes en direct. Qui continue sa conversation privée hors antenne? À l'antenne, ça c'est la magie de Terence Bernard. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours au coin du feu. Où est Kylian? Ah merde, il est en train de te prendre en photo. Ouais, c'est ça, il va me prendre en photo. Je serai encore moche dessus. Pas rien naturel. Souris, souris. Souris. Non, c'est pas du tout naturel. J'aime pas ça du tout. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse un petit point sur le barbecue. Non, c'est une horreur à l'état pur. Tu publies pas ça. Va à ta place, reconcentre-toi sur l'émission. 21h34, j'espère que vous êtes en forme. Il est en train de péter un câble. Il en peut plus, il est au bout du rouleau. Attends, derrière ton dos, t'as senti qu'il pétait un câble. Ouais, bah oui, évidemment, je le connais. Le mec, je suis comme une idée manager. Bah, qu'est-ce qu'on disait avec le bafou? Il m'a pas prendre une photo. Ah, bah non, c'est con. Mais il y a plein d'autres trucs à prendre en photo. Oh oui, des pieds. Des pieds. Pourquoi directement? J'aime bien les pieds. Non, ah, bah cool. Non, mais la fois où est-ce qu'on avait été chercher les clés, attraper. Ouais, non, c'était dingue, ça c'était exceptionnel. On refera une grande fouille prochainement, ça m'a beaucoup plu. On en est où? 21h34, j'ai plus d'actu, donc ça c'est réglé, ça veut dire que c'est fait. On peut passer au jeu des 5 mots? Vas-y. Qui a envie de jouer au jeu des 5 mots? Moi. Toi? Donc je dois te faire deviner aussi, des mots? Moi aussi, mais je veux que tu nous fasses deviner, ouais. C'est ce que je viens de dire. Moi, non, moi je veux bien faire deviner aussi. Enfin, chacun son tour. Moi je veux bien faire deviner en tout cas. Ok, allez, attention, c'est parti. Kylian, à ta place s'il te plaît, concentre-toi dans l'émission. J'y suis. Non, tu fais des photos. Donc je te demanderai d'arrêter. C'est la troisième fois que je le dis. Comme ça c'est dit, hors antenne, ça ne passait pas, donc peut-être qu'à l'antenne ça passera. Terence, je te propose que l'on passe à cette séquence-là si tu le veux bien. Mm-hmm. Si mon cartoucheur le veut bien, mais visiblement en ce moment il n'a pas trop envie de coopérer, donc je vais le faire un petit peu manuellement. Voici le jeu des 5 mots. En principe. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Es-tu prêt pour 30 secondes? Je suis prêt. C'est parti. C'est un truc généralement en plastique que l'on trouve dans des lieux publics pour les petits enfants. Un toboggan. Un toboggan, bonne réponse. Suivante actu, c'est quelque chose qui sert à stocker généralement l'eau un de carton. Pluie. L'eau de pluie. Un entonnoir? Non, pas un entonnoir. Mais je sais le système là pour. Non, c'est la cuve qui sert à contenir toute cette eau. La cuve à eau? Ouais, mais ça porte un nom. Ah, je sais. Une? Je sais pas. Tu sais pas, merde. Franchement, je pense pas que je connais le mot. C'était une citerne. Ah, mais oui, oui. Bah oui, oui, bah voilà. Non, là, désolé. Il a fait deux mots, c'est quand même plutôt pas mal. Félicitations, Terence. C'est déjà mieux que rien. On va voir si Kylian va faire mieux que toi. Kylian? Oui. Alors, c'est Terence qui fait à Kylian ou ça se passe comment? Oh, je veux bien faire à Kylian, oui. T'as les mots? Ouais, vas-y, je veux bien faire à Kylian. Ouais, ouais. Ne nous prends pas les mots à la con, genre micro, pin de micro, écran. Oh, il a des mots, et génial! En latin? Non, pas cette fois-ci, Terence. Allez, attention, on peut partir pour les 30 secondes. Terence, à ton top. 3, 2, 1. C'est un récipient où on met de la boisson. Il y en a des Coca-Cola, des Fanta. Une réception où on met des boissons? Non, un récipient où on met des boissons. Un récipient, un verre? Non. Un gobelet? C'est pour commercial. On les transporte, c'est pas une bouteille. Ah, c'est une caisse. Ah mais oui. Non, sérieusement, tu mets des boissons dans des caisses. Une canette. Pardon. Une canette, voilà, super. Ok. On les mange beaucoup. Les tuches les mangent en Belgique. Les frites. Les frites. Ok. Ça sert à enregistrer. Là, pour l'instant, t'es en train de parler dedans. Un micro. Un micro, super. Bon, les gens sont trop dedans. Les gens sont trop dedans. Dans la musique, la télé. Non, les la gens radio. Sont trop dedans. Ça se met dans l'ambiance. La poche. Ça se met dans la poche. Un téléphone. Super. Ok. Maintenant, fini. Il en reste encore un. Ouais. Vas-y. Tu veux 10 secondes peut-être. 10 secondes supplémentaires. Allez, c'est parti. On repart pour 10 secondes. C'est parti. On mange dessus, on pose les assiettes dessus, les couverts. Non, une table. On met les. Voilà. Bonne réponse, bravo, félicitations à vous deux. Il a fait les 5 mots en environ 40 secondes. Pas ouf parce que t'as pas gagné, mais bon, voilà. On peut quand même faire un semblant de victoire. Pourquoi il a pas gagné? Parce que le temps était écoulé, donc fatalement il n'a pas pu remporter. Ouais, mais pour donc, l'instant, mais il a plus de cela dit, c'est très bien débrouillé, mieux que toi, donc félicitations. C'est surtout moi qui a choisi, qui a bien expliqué. Hein. Oui, t'as pris des bons mots surtout. Oui, donc, merci. Donc maintenant, c'est Kylian qui va me le faire à moi. Okay. Voilà. C'est parce qu'il est sur son téléphone, donc. C'est pas grave. C'est pas grave. Non. T'es prêt? Oui. Enfin, oui et non. Oui, oui et non. Bah, de toute façon, il y a intérêt. C'est parti, 30 secondes. Si vous le voulez bien. Il est en route. Il est en route. Il y a du bois dedans. Le barbecue. Bien, ça a 4 pieds. Une table? Non. Une chaise? Oui. C'est lumineux. Une lampe? Non, il y a des trucs qui s'affichent dessus. Un écran? Bien. Ok. On le coupe. Ça sur un arbre. Un enfant? Non, c'est sur une... c'est sur un arbre. Il y a des feuilles? Après? Des branches? Bien. C'est vert. Ça chatouille quand on marche à pieds nus. L'herbe? Bien. C'est déjà bien. Oui. En fait, j'ai pas compté. Tous les mots qu'il avait dit de pas prendre. Écran. Mais oui, mais je m'y attendais. Donc, ça va, ça a été simple. Il a dit de pas prendre. Ah oui, bah, pas prendre les mots genre. Écran. Voilà, c'est la preuve qu'il a écouté l'émission. Mais... C'est la preuve qu'il a écouté l'émission. Il y a deux mots que t'avais dit que tu devais pas prendre et que t'as pris. Et bah, officiellement, j'arrête le community manager et je me fais attaquer par une sombre. Oh la vanne. Excellent quand même. Quand t'as dit on le coupe, c'est sur une branche. Thomas il a dit un juif, moi j'avais dit un enfant. Un enfant. Tu le coupes et tu le fous sur une branche. T'es pas gentil, toi, comme garçon, en fait. Bah, toi, tu viens juste. Si, mais pas avec les enfants. Allez, je vous propose qu'on s'écoute tout de suite à Missing de Terry Tull Club de Mix. A pas d'interférence. Bonsoir à vous, vous êtes dans Jadoul en direct. Jackie Guidigini. Ça sent super bon, j'ai fait le premier marshmallow. C'est juste génial. Terence, t'as eu le tien aussi? Ouais, un peu cramé au-dessus, mais franchement, il est bien doré sur le côté. Tu l'as foutu dans le feu, toi, le tien. Un petit peu cramé au-dessus, mais bien doré sur le côté. Il nous a fait un truc à la forain, tu sais. Bien doré sur les côtés. Attention, les churros, c'est au stand numéro 4 là-bas au fond. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'il y a eu, Kylian? Je me suis mis, je sais pas, ça m'a brûlé la tête. D'accord, mais c'est génial, j'ai le premier marshmallow, je vais vous le mettre sur mon snap. Snap Thomas Jadoul, comme ça vous allez voir. Je l'ai réussi, le mien, je vous le dis, je l'ai réussi. Il est plutôt pas mal. Voilà, comme ça, vous le voyez avec cette cuisson al dente parfaite. Par contre, le sien, Kylian, il est noir et blanc. Oh non. Il est bizarre, en fait, il y a plein de blanc qui sort du... Je sais pas, en fait. Ouais, c'est le pu, ça. Il a vraiment un style particulier. Il a du pu qui sort, tu sais. On est quand même les seuls à faire un barbecue quand même devant une radio. On est le seul déjà à faire des émissions dehors. Mais on est le seul aussi à faire du feu pendant une radio et à manger des marshmallows pendant une radio, quoi. C'est juste dingue, quoi. Je suis ultra content de faire ça en direct, quoi. C'est un truc de malade. Je vais le goûter. Attention, verdict. On va en mode cuisine, là, si vous le voulez bien. Est-ce que j'ai un petit bed qui évoque la cuisine ici? Non, pas du tout. C'est pas bien grave. Je vais prendre un truc. Un truc basique, tout simplement. Est-ce que. Non, pas Orelson, t'es foutu. Ah putain. Je n'en peux plus de lui. Attention, je goûte. Non, maman, c'est bon. Ça croque et c'est fondant à l'intérieur. Oh et le tien, Kylian, il a quel goût? Cramé. Non, il était bon, il était caramélisé. Ah, et toi, très bon, un petit peu dur sur le dessus, mais sur le côté très croustillant et fondant à l'intérieur comme le tien, il était vraiment, vraiment pas mal. Moi, je dirais une note de 9 sur 10. Je t'en remercie. Bien, c'était le petit point cuisine. En tout cas, moi, je suis fan, je trouve ça super bon. Tain, mes potes, je leur dis, ouais, bah, je fais de la radio ouais, et bon. Tout. Ah, sérieux, à quel studio? Ah, dehors. Ah, sérieux, et ça consiste à quoi? À faire des barbecues et des marshmallows. Sérieux, c'est super ton émission. Ah, trop bien. Il a cramé le sien une deuxième fois. Ça sent le brûler. Oui, mais ils sont meilleurs comme ça, ça fait caraméliser là. Ça fait une couche de caramel. Ouais, plutôt. Oh putain, c'est chaud. Comment t'arrives à faire des marshmallows avec des points blancs comme ça, toi? Des chamallows, attention, on a dit que c'était des chamallows. Je m'en fous, moi je dis des marshmallows, ok? Les gens comprennent. Comment il fait? Lui, il est noir au-dessus. T'es vraiment brûlé? Ah, il est parti, il s'est vraiment brûlé un peu fort. En fait, le tien, il a toutes les races. Il est noir au-dessus, les blancs dessous, les métis sur le côté. Et il y a des fois où il y a des trous blancs quand même. Donc, le mien est trop bon. On va donner fin à tous les auditeurs. Mais ça va, on a déjà plus le Nord-Pas-de-Calais qui nous écoute. Non, mais avis, depuis mon anecdote. Avis, si vous nous écoutez sur le 106.9 dans les alentours du studio, venez, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir goûter nos marshmallows. Mais bon. On sait qu'on est dans un quartier plutôt calme, donc il ça devrait aller. Il était très bon ton marshmallow, Kylian. Pas mal. Du rêve ou t'as mangé celui de Kylian? Ah oui. Juste moi, il est narreux en plus, Kylian. Donc Ah bah, t'inquiète, j'ai pas touché le bâton avec mes dents ni rien. J'ai juste touché le marshmallow. Ils viennent d'où les bâtons en fait déjà? Ils viennent d'où? Du marché d'Ardon. Du marché? C'est pas possible. Ils sont noirs au bout. Un petit goût en fait. De terre dessus. C'est normal. Il a acheté ça chez un fleuriste. C'est vrai. En plus, c'est vrai. Il nous raconte c'est vrai en plus. Oh là là. C'est d'accord. Il nous montre les pots de fleurs. On vient de manger les marshmallows avec des pics à fleurs. Oh là là, on est dingue quand même. Ah, c'est juste génial. Non mais cette émission, on est quand même la seule à avoir des choses comme ça. C'est exceptionnel. La question de la semaine, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. La question de la semaine. On se demande si Kylian s'est vraiment brûlé. Ouais. Il a marché sur son... le câble du micro. Bah, je pense que ça s'est entendu. Hein. Allez. Ouais, je me suis vraiment brûlé. J'ai une tache. Ah, ouais, d'accord. Bah voilà. On peut dire qu'il a pété un câble. Ou qu'il joue avec le feu. Ça brûle. Super. Allez, c'est le feu aujourd'hui, les blagues. Hein. Ouais, c'est... On est en feu, comme disait. Allez, mets le feu. Et Johnny Hallyday. Voilà, ouais, ça charbonne. Hein. Ça charbonne. On peut en faire beaucoup des comme ça, hein, parce que je vous le dis, il y a à boire et à manger ici. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que Terence a encore une petite séquence à nous faire. Tu peux nous le faire maintenant, t'as un peu le temps. La dernière séquence. Bah là, j'ai rien à dire, vas-y, lance la séquence. Ok, il n'y a pas de lancement. Ah non, non, non, la séquence dira tout. Alors, c'est parti, on écoute. On rigole toujours sur Hilar FM d'ailleurs. Ben oui, parce que ça porte bien son nom. Jadoul. Non, tu jures moi que tu l'as pas fait celle-là. Chef au quoi, j'ai fait quoi? Hilar FM porte bien son nom. Oui, c'est ça. Si, je l'ai fait. Oui, il l'a fait. Mais c'est un pari, hein, je vous préviens. Ah, d'accord, c'est un pari. C'est un pari. Jadoul d'Hilar FM nous avait déjà bien amusé avec la chanson Champagne de Jacques Higelin. C'était lui, Jacques Higelin. Eh bien, apparemment, avec son copain, ils l'ont bu la bouteille de champagne à deux. Ça s'entend presque pas à l'antenne. Là, ils parlent de compter leurs gros mots. Mais le problème, c'est que quand t'as bu, tu préfères toujours prendre des mots un peu plus compliqués. Et c'est là que tu te fais repérer. On a oublié de faire la comptabilisation de tous les gros mais mots. Mais on n'a pas encore dit de gros mots. Donc la comptabilisation. Oui. Donc n'oubliez pas, à chaque fois qu'on dit un gros mot, il. Ah oui, quand mais dès le premier mot, t'entends que les mecs sont déchirés. Ah oui, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu à l'ouest là. La comptabilisation. Voilà, on a presque une papille mougeot là. On s'en refait. On a oublié de faire la comptabilisation de tous les gros mais mots. Mais on n'a pas encore dit de gros mots. Donc la comptabilisation. Oui. Donc n'oubliez pas, à chaque fois qu'on dit un gros mot, ils. ils sont bien et ils le savent, sacré Jadoul. Alors à votre avis, est-ce qu'il sait qu'il est dans le PPDA régulièrement ou pas, Jadoul? Le premier qui découpe ça du podcast et qui me le réenvoie, je le tue. Bah, je me suis fait un paquet de potes, moi, cette année. Ah, j'adore, je suis complètement fan de la séquence. Mais ça, c'est pas un montage. Non, attends, c'est la séquence. Non, c'est ce que j'allais dire, là, c'est la séquence telle quelle. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, c'était au cas où. Ok, bah merci. Celui-là, on me l'avait déjà envoyé. Je vous explique. J'ai un pote qui travaille aussi en radio qui a dit oh tiens, je t'ai entendu sur Bel RTL. Alors, du coup, j'ai été voir et j'ai publié l'extrait vidéo sur ma page Facebook. Mais ça, en plus, je l'ai vu après. Ah. Moi, j'avais déjà vu le truc avant toi, en fait. Et je regarde en dernière minute, justement, ce matin, pour être sûr que tu ne l'as pas vu ou quoi. Parce qu'en plus de ça, le gars me dit bien. J'ai vu les deux, moi. T'as vu les deux? J'ai vu les deux. J'avais vu les deux avec Jacques Higelin. Et j'avais vu les deux extraits, les deux passages, je les avais entendus. Ah ok. En replay. Parce qu'on m'avait dit justement que tu n'avais rien vu, rien entendu, et donc c'était ça que je trouvais justement drôle avec Jacques Higelin, parce que, enfin bref. C'était pour me prendre au piège. Ouais, je pensais prendre au piège. Et puis après, là, en dernière minute ce matin, je me dis, je regarde quand même si il a rien vu, et puis je vais sur ta page, et puis je vois s'il l'a déjà partagé. Donc je me dis, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, si tu peux faire une enquête sur la personne qui nous a balancé, je t'en serais très reconnaissant. Ça marche. Ok. Et puis si on repasse encore une fois sur cette antenne, tu nous feras signe, d'accord? Avec plaisir. Et je te charge de trouver des bafouillages dans leur émission, comme ça on pourra se venger. Ah, je ferai ça la semaine prochaine. Mais les montages, là, quand on se répondait, je trouvais ça très, très sympa. Donc si tu voudrais bien faire, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, c'était très bien fait. Oui, j'aimais bien. On ne s'endormait pas. C'était assez sympa. Demain, je suis en tournage pour une autre émission. Donc gros week-end. Je pense que je n'aurai même pas le temps de dormir, étant donné que le tournage de demain n'est pas prêt. Donc je pense que c'est le début d'une nuit blanche pour moi. Niveau météo. Examen, c'est dans deux semaines et lui, il s'acharne à rester jusque 2h30 du matin. Ah oui, on pense à tous ceux qui ont des examens. Tu pourrais nous faire un petit point météo, Kylian, s'il te plaît? Bah alors il fait un peu sombre. C'est vrai qu'il fait sombre là. On voit plus trop grand chose. On voit la lune. Mais niveau nuage, est-ce que c'est menaçant ou non? On voit quoi? Alors pour l'instant, non. J'ai pas dit on voit ta lune. Bah non. Enfin ça va encore quoi. Les nuages sont un peu grisâtres, mais il y en a pas beaucoup donc. Il y en a de l'autre côté ouais, mais au-dessus là c'est bleu donc ça va. Disons que ça passe quoi. Ça passe. On est encore plus ou moins à l'abri pour l'instant. Il fait pas un peu humide? Si. 69% d'humidité. 69 comme par hasard. Ouais, comme non. Par hasard. Oh là là là là. Non mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il fait tellement humide que la console est en train de me dire bye bye, mais c'est pas grave. Oh là là, la force des technologies Axia, vous ne pouvez pas vous imaginer. 64%. 64%. Ouais. D'accord. Allez, on va peut-être s'écouter un titre, après on retourne dans l'émission et on se dit au revoir. Ça vous va? Ouais. Non, moi je suis vrai moi. Pourquoi se dire au revoir? On peut pas rester. Ben, allez. 20h30, non. Oui, bah t'as déjà fait ça avec l'émission d'avant. Oui, mais c'était. T'es arrivé dans une demi-heure en retard, là tu dois rattraper. En plus, cette émission est diffusée par d'autres radios et à certaines. Et les radios, eux, ont leur programmation. Donc si nous on est en retard, ça les embête et parfois ils nous coupent avant la fin. Donc je préfère que les auditeurs entendent jusqu'à la fin l'émission que de prolonger et qu'ils n'entendent pas la fin. Oui, c'est vrai. Ah, comme alors quoi. Moi je dis. On prévoit de faire une émission d'une heure en plus. Ah ouais, mais il faut la préparer. Mais honnêtement, cette saison, je n'aurai pas le temps. Mais enfin, il y a peut-être moyen. Enfin, je sais pas. Sur le temps que Kylian est en train de se rouler un nouveau marshmallow sur le grill, Terence est là avec le sien, pas cuit, qu'il est en train de manger quand même. Oui, parce que moi, je suis présent avec le micro. Lui, il est là-bas en train de se cuire des marshmallows, s'il te plaît. Kylian, on lui a refusé une photo. Maintenant, l'émission, rien à foutre, terminé, c'est fini. M'en fous, moi, je vais me cuire des marshmallows, tiens. Ouais, que les gyps. Walk like an Egyptian, c'est The Bengals maintenant sur RFM en direct. J'ai bouffé l'intro, c'est pas bien grave. Vous êtes... Merci Kylian, nous sommes en direct dans Jadoul. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Même si vous avez tous la bouche pleine avec les marshmallows. Trop bon. Les chamallows plutôt. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous aimez la mer? Ouais. Merci. Il m'a agressé. Est-ce que vous aimez les chamallows? Ouais. Est-ce que vous aimez le sable? Ouais. Alors vous aimeriez cette émission qui est quand même géniale, elle est exceptionnelle. Il est 21h58, on va rendre l'antenne dans 2 minutes et je vous le dis, c'est la première fois que en termes de contenu, on a tout fait, on était pile dans les temps. En termes de chamallow, bah c'était la surprise du jour et on est plutôt bon et ça nous a tous satisfaits. D'ailleurs, si vous voulez un chamallow, on vous les envoie par la poste. Non, je ris, mais voilà. Si jamais les voisins d'Inar FM qui nous écoutent peut-être sur le 106.9 ont envie de se griller un chamallow, je les invite voisins. À venir. Mais bon, c'est un quartier plutôt résidentiel et âgé, donc ça m'étonnerait qu'on ait des amateurs de chamallow. En tout cas, voilà, je pense que tout a été dit dans cette émission. Terence, donc demain, on peut te retrouver sur scène, c'est ça? Ouais. Sur scène, oui. Et où? Arlon sur la place Léopold. Sur la place Léopold. Carrément, le mec, carrément. Attention, il prend de la place en plus. Il prend la tête. C'est dingue. D'ailleurs, j'ai vu quand ils ont installé la scène, là, je suis passé devant. Sérieux? Ouais. Elle est grande ou pas? Ça va. Ça va. Ça passe, ouais. Ouais, bah. C'est un petit truc, je dis, c'est vraiment. C'est ça. C'est un truc juste pour le kiff, quoi. Si je le rate, au pire. C'est je suis même pas sûr qu'il y aura. Qu'il y aura toute la place remplie, quoi. Ouais, bah, de toute façon, tu seras sur scène, c'est le plus important. Et puis, c'est toujours bien d'avoir du public. C'est d'ailleurs ce que je regarde dans cette émission, qu'on n'a pas de public, mais bon, on n'a pas le temps non plus de. Tout à l'heure, on en avait deux. On avait deux voisins. On avait le chien, là maintenant, il est rentré. Le chien. Il y a un chien ici maintenant. Ouais, tout à l'heure là-bas. Ah oui, mais ça, c'est chez les voisins. Ça, les voisins d'IRFM. Ouais, il nous écoutait, hein, il était à fond dedans, il était là. Oh. Je croyais qu'il parlait de celui qui s'occupait de faire le barbecue. Ouais. Il commence à faire. Oui, parce qu'il vient de rentrer exactement dans le studio à ce moment-là. Donc. Non, mais il commence à faire noir. Hein. Je dis ça, Géry, on va démonter dans le noir. Hein. Ta gueule. Hein? Tu connais pas? Je sais pas. Ah, il va j'ai faire hésité noir. À le faire, oh, mais je. Non. J'ai hésité à le la faire, mais je me suis noir. Dit, Anna, tu as encore des gros mots, t'es 10 euros dans la caisse. Du coup, je l'ai pas fait. Tiens, j'avais oublié cette émission. Non, parce que là, c'est pour un film. Ça n'a rien à voir. Non, c'est une référence. Je comprends tout à fait. Tiens, c'est pas souci. Non, pas du tout. Je ris. Pour ceux qui n'étaient pas là auparavant, ça c'est l'alerte qui dit qu'on doit mettre 5 euros à la cagnotte des auditeurs. Mais je vous rassure, on ne le fera pas parce que vous savez pourquoi. Ouais. On n'a plus de sous. Non, je sais pas, franchement, je sais pas. Bah écoutez. La vie est belle, aussi belle que toi. Et 22h01. Moi, je propose qu'on rende l'antenne. Juste ça, je dis rien. On est dans les temps. On va se la jouer grand professionnel. Petite info. Une info. Une vraie info. Pour la finale, oui. Pour la finale, donc Real-Liverpool, c'est déjà 1-0 pour Liverpool. En fait, depuis tout à l'heure, il regarde le foot sur sa tablette pendant qu'on fait l'émission. Oui, parce qu'il faut savoir qu'avant-hier, il est venu me trouver en me disant « Dis-moi, avec l'équipe technique, il n'y a pas moyen de trouver un moyen de pouvoir… » Regarder le foot en mangeant des marshmallows sur le jardin en même temps qu'on enregistre une radio. Il n'y a pas moyen. Ils viennent d'égaliser. Et bien, d'égaliser. Donc c'est 1-1. C'est parfait. Comme ça, vous êtes au courant des scores de foot. Merci Terence Bernard. Mais de rien, merci à toi. Merci Kylian Wolfring. Bah de rien, gros bisous à tous. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien démarrer cette semaine en notre compagnie, surtout en podcast.